Oui, voilà, c'était docte. C'est de bon augure pour la saison prochaine. Absolument. J'ai l'impression que le niveau va enfin, comme l'équipe de France, je l'espère samedi, être un peu rehaussé. Ah bah là, il faudra vraiment, vraiment que ça bouge beaucoup pour l'équipe de France. Il va falloir leur faire danser le tango argentin, surtout. Bon, on va jouer contre l'Argentine. Griezmann va nous sortir la mine. Enfin bref, on compte sur vous pour les soutenir, en tout cas mon cher Yves. Comptez sur moi. Eh bien, nous allons travailler et tenter de gagner honnêtement notre vie. Je vous dis à demain. Bonne journée. Merci beaucoup. Nous écoutons avec plaisir. C'est parti, parce que nous avons quelques missions, mine de rien, à régler. Nous allons notamment revenir sur ce que nous avait dit Michael. Je gère une société dédiée aux voitures anciennes. Si on ne fait rien, ma boîte ferme ce samedi 30 juin. J'ai été victime d'une arnaque à 55 000 euros et ma banque a commis une grave imprudence. Oui, car aujourd'hui, c'est une spéciale. On refait tout ce qu'on a fait la veille, parce que hier, nous avons eu de très gros cas et qui sont restés un petit peu bloqués. Donc, il faut y revenir. Donc, on va rappeler dans une seconde ce qui s'est passé dans le cas de Michael, plus précisément, et également le cas de Pascal. Je vous appelle de Dordogne. J'ai versé 1250 euros à un artisan pour qu'il vienne changer une partie de mes fenêtres. Ça fait des mois qu'il me balade et qu'il ne vient pas. Alors, nous allons procéder par ordre, déjà vous présenter ceux qui sont autour de moi, The Dream Team. Il y a Maître Novakovic, la grande avocate droit de la famille pénale au barreau de Paris, bonjour. Bonjour à tous. Maître Fellonneau qui est là. Bonjour Julien. Bernard Sabat. Bonjour Julien. C'est Charlotte qui est au standard. Bonjour Julien. Toute l'équipe est là, vous écoutez l'émission la plus écoutée de France entre 9h30 et 11h et nous vous remercions une nouvelle fois en vous souhaitant d'ores et déjà un bel été. Pour nous joindre, le 30 de 10. Pour nous joindre, le Facebook, la page, ça peut vous arriver en direct. Toi, tu as l'air tout patraque, peut-être victime d'une arnaque. J'ai quelqu'un pour te soigner, appelle Julien Courbet. Maître Fellonneau vous rappelle le premier cas. Maître Novakovic nous en dira plus ensuite concernant Michael. Drôle d'histoire que nous avons vécue en direct hier. Pour ceux qui n'étaient pas là, rappelez-nous s'il vous plaît. Alors Michael a une société où il exploite un circuit de voitures anciennes pour les faire tourner et il a fait un devis avec une société étrangère, turque, qui voulait faire un séminaire pour ses employés et qui a signé pour 55 350 euros de prestations. Une semaine avant la prestation, la société paye en plusieurs fois par carte bancaire. Il faut savoir que Michael a un contrat avec un terminal qui permet de faire des ventes à distance. Il demande l'autorisation à sa banque, il lui confirme, tout se passe très bien, la prestation se passe très bien. Et un mois après, plus d'un mois après, la banque lui redébite. Par petits bouts, on ne comprend pas, par 500 euros, à chaque fois en prenant des frais évidemment très importants. Nous avons hier téléphoné à la banque locale, nous avons ensuite, Bernard, téléphoné un petit peu plus haut. Sur la fin de l'émission, vous avez eu un coup de fil, est-ce que Michael est en ligne avec nous? Oui, bonjour Julien, bonjour. Alors, bonjour Michael, déjà Michael, est-ce que vous avez eu du nouveau depuis hier de votre côté? Non, rien du tout. Très bien. Donc, nous avons... Alors, rien du tout de la banque, mais votre émission a déclenché une vague de soutien dans le public. Ça fait vraiment chaud au cœur. Eh bien, tant mieux, Michael, parce que vous avez une injustice. Enfin, vous nous dites vivre une injustice. Donc, il s'est passé plein de choses. Déjà, hier, vers la fin de l'émission, Bernard, vous avez reçu un coup de fil de la direction. On ne va pas se mentir. Qu'est-ce qu'on vous a dit à demi-mot? À demi-mot, on m'a fait comprendre que Michael n'était pas exempt de tout reproche. Voilà. Donc, Michael, je me tourne vers vous, parce que ça... Alors, attention, hein. Encore une fois, ça nous est arrivé, mais X fois en 20 ans, oui. Je vais rappeler le cas d'école, nous appelons une assurance parce qu'une maison a brûlé et l'assurance ne veut pas rembourser la maison. Quand on appelle l'assurance, ils nous disent oui, mais tout n'est pas clair dans cette histoire. Je dis, mais parfait, donc vous accusez votre client, j'espère que vous avez déposé plainte. Ça veut dire qu'il a mis le feu lui-même. Non, on ne peut pas dire ça. Donc s'il a pris une disposition, vous allez le rembourser. Oui, mais c'est pas clair. Et donc dans ces cas-là, on rembourse personne, si vous voulez. Hein. Dans ces cas-là, on peut aussi redire à un employé, je vais pas te payer parce que tu n'as pas été clair ce mois-ci. Donc, Michael, est-ce qu'il y a eu effectivement des choses qui se seraient passées avec votre banque? Pas à ma connaissance. Bon. Nous, on a eu une offre à un client, on a payé. Quand on a été payé, on fait la prestation, on renvoie l'argent. Non mais Michael, parlons de la banque. Est-ce que par le passé, vous avez reçu une lettre recommandée pour autre chose ou quoi que ce soit? Non, rien du tout, non. Bon, okay. Jusqu'à cette époque-là, nos échéances de prêt étaient payées. Enfin, donc hier, voilà. On nous a fait comprendre, il pourrait y avoir des choses, pourquoi pas. Hein. Nous, dans ces cas-là, on sera même prêt à dire, tant pis pour vous, Michael. JB, vous avez avancé de votre côté? Alors, c'est surtout Bernard qui a avancé. Je crois qu'on va lui donner la parole. D'accord. Bon, alors on y va, Bernard. Je crois qu'il faut être ferme là-dessus. Je pense que dans la démarche, Julien, ce qu'on m'a fait comprendre, je vous l'ai dit, c'est évidemment qu'il n'était pas exempt de tout reproche, que c'était au service contentieux, service fraude, et que dans tous les cas, personne ne parlerait de la direction. Alors, Maître Novakovic, nous, on peut continuer à en parler. C'est bien dommage, hein, parce qu'aujourd'hui, eh ben, écoutez, la Caisse d'épargne, en tout cas, a retiré de l'argent. Et encore une fois, on va peut-être le réécouter si on l'a sous la main. Notre ami de l'Association des usagers bancaires nous a bien dit hier, on n'a pas le droit de le faire. Et je trouve un petit peu indélicat de dire oui, mais le client, qu'on l'appelle le client et qu'on lui dise franchement ce qu'on lui reproche. Maître Novakovic. Alors oui, alors pour les auditeurs qui n'ont pas écouté l'émission d'hier, j'ai quand même rappelé qu'une banque n'a pas droit de faire droit à une opposition, sauf s'il s'agit d'une transaction frauduleuse et qu'elle en a la preuve. En l'occurrence, a priori, elle n'avait pas cette preuve, donc elle n'aurait pas dû faire droit à cette opposition. Donc c'est vrai qu'elle est en tort. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'elle a reçu une lettre recommandée donc de Mickaël, une lettre recommandée de son avocat, qu'aujourd'hui on vous dit maintenant que c'est Mickaël qui est louche, alors à ce moment qu'ils le disent. Mais si vraiment il y a un problème, eh ben, qu'ils expriment à la radio en direct, ce qui ne va pas. Ou en antenne. Ça ne me pose aucun problème, mais qu'on dise clairement, Mickaël, vous me le redites, on est en direct et ça sera tant pis pour vous, Mickaël, si vous nous mentez, vous n'avez rien reçu, courrier recommandé, mail qui pourrait vous accuser de quoi que ce soit. Non, rien du tout. Voilà. Je m'adresse donc à la Caisse d'épargne. C'est tellement facile de jeter l'opprobre comme ça en disant il y a des choses bizarres. C'est épouvantable. Dites-lui, parce que si c'est comme ça qu'on traite les clients, ça, c'est très bizarre. S'il a fait quelque chose, eh bien tant pis, on lui coupe son compte, on lui coupe les vivres, il paiera le prix. Tout à fait. Surtout qu'on n'est pas là pour faire un cadeau. On est là simplement pour justement tenter de faire une médiation, de faire en sorte qu'il y ait vraiment un accord, trouver une solution. Et on n'est pas là pour, si je puis dire, détruire une banque ou quoi que ce soit. On est juste là pour trouver une solution. Si la banque a quelque chose à dire, qu'elle le dise, mais elle ne le dit pas. C'est ça le problème. Eh bien sûr, Maître Felonneau. Alors moi, je pense que la banque joue vraiment un jeu dangereux. Étant donné qu'elle a donné une autorisation de paiement et qu'une fois que cette autorisation a été donnée, elle est irrévocable, sauf dans deux cas, donc fraude, et qu'elle n'a pas démontré. Elle est en tort sur ce point-là. Mais surtout, son client a déposé plainte. Il est en train de perdre sa société. Et si jamais il perd sa société, la banque aura une responsabilité très importante. Ok. Écoutez, nous interpellons Monsieur Mignon, qui est le grand patron de la BPCE, Monsieur Laurent Mignon. Soyez sympa. Et, voulez-vous avoir, je crois que la Caisse d'épargne est un groupe qui se veut être transparent. Auriez-vous l'amabilité, s'il vous plaît, de bien dire à votre client ce que vous lui reprochez, vu que de votre côté, nous avons une faute avérée, puisque... Parce que Serge Maître ne sache pas et ne connaisse pas son métier, ce qui m'étonnerait, on le voit sur toutes les télés à chaque fois qu'il y a un problème bancaire. Donc expliquez ce que vous reprochez à Mickaël, mais apparemment il n'y a aucun écrit, il n'y a rien. Donc on a l'impression que c'est une façon de se sortir de ça pour mettre la faute sur le client, ce qui n'est pas très honorable. Alors peut-être qu'il y a des choses que nous ignorons dans ce dossier, mais soyez sympa, Monsieur Laurent Mignon. Si vous ne voulez pas nous les dire à nous, dites-le à Mickaël, nous y reviendrons demain. Voilà Mickaël, on va continuer, on va reparler à Serge Maître un petit peu plus tard s'il le faut, mais on ne va pas vous laisser tomber. Oui, Alain Hazard. Oui, d'après ce que me disait Mickaël, il est client de cette banque depuis 8 ans et pour la société depuis 2 ans. Il n'a jamais eu de problème avec la banque. Alors ça, c'est ce qu'il dit. Encore une fois, on ne va pas se raconter d'histoire. On le sait que des fois, certains auditeurs nous cachent des petites choses. Hein. On va pas. C'est peut-être le cas de Mickaël, mais si c'est le cas, le dossier sera clôturé immédiatement si la Caisse d'épargne dit « voilà ce qu'il a fait ». Et en général, quand un client d'une banque fait quelque chose, il reçoit tout de suite un petit courrier. Là, il n'y a rien. Et comme par hasard, ils ne veulent pas parler non plus. Donc tout ça est quand même un petit peu louche. C'est très dommage pour une banque qui est censée aider ses clients, sachant qu'on rappelle qu'il risque de fermer samedi, Maître Felonneau. Oui, effectivement, puisqu'il a déjà déposé son bilan, qui est en liquidation judiciaire. Il espérait un repreneur ou, effectivement, cette rentrée d'argent qui lui aurait permis de sortir la tête hors de l'eau. Donc, c'est gravissime, d'autant plus qu'il est caution personnelle pour des emprunts faits par sa société et que donc la liquidation l'expose, évidemment, en première ligne pour rembourser toutes les dettes de la société qu'il a cautionnée. Essayons d'avoir, s'il vous plaît Bernard, le secrétariat de M. Mignon. Tant pis s'il ne veut pas nous parler, c'est le grand président, c'est lui qui fait en sorte que ça file droit dans la boîte et que les clients soient satisfaits. On verra bien s'il veut nous parler ou pas. Deuxième cas, dans quelques instants, nous allons revenir sur celui de Pascal. Pouvez-vous nous rappeler ce qui était arrivé à Pascal, Maître Felonneau? On en a parlé hier avec ses fenêtres. Alors, mais Pascal a contracté avec un fabricant et un poseur de fenêtres qu'elle connaît bien, elle embrasse, elle connaît la grand-mère, elle nous a expliqué qu'il avait une très bonne réputation. Et après avoir versé son acompte, elle n'a jamais vu cette entreprise faire son travail. Et elle se demande bien ce qui arrive. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, en plus, là où elle est complètement déboussolée, c'est qu'elle se dit, c'est un ami, tout va bien, j'ai bossé avec lui, ça s'est bien passé. Et là, je ne sais pas ce qui se passe depuis plusieurs mois. Il n'y a plus rien, rien, plus de... On a appelé hier la boîte, alors là, ce qu'on a trouvé de bizarre hier... Ah oui, surtout Oui, on va en parler avec JB. On a appelé la boîte, donc la boîte ne nous a pas parlé, mais elle serait affiliée à un très gros groupe. Rappelez-nous le nom de ce groupe. Oui, un groupe qui s'appelle Tecnal, et c'est un groupe d'aluminium un peu partout en France. Ils ont un réseau vraiment très très vaste, et c'est un groupe très sérieux qui travaille avec des gens qui font du très bon boulot. Quand on les a appelés, ils auraient dit à Hervé Pouchol hier, mais non, ils ne sont pas affiliés à Tecnal. Or, partout sur... Sur leur facture, leur devis, on a tout. Partout, oui. Donc c'est très bizarre. On parle dans une seconde, Maître Novakovic, qui est très élégante. Voyez, je ne suis pas forcément pour la vidéo, la radio, je le fais parce que mon patron me le demande et j'aime bien mon patron. Donc je n'ai aucune raison de le mettre de mauvaise humeur. Mais là, aujourd'hui, peut-être mieux fallu qu'on ait la vidéo, car la robe de Maître Novakovic, écoutez, ravissante. Je disais la première chose que j'ai dit ce matin, j'ai été ravissante. Merci. Et vous n'avez dit que ça après, hein, parce que vous n'avez pas dit grand-chose en fait ce matin. Moi, vous n'avez rien dit, par exemple. Non. On se retrouve dans quelques instants sur RTL. Je vous ferai gagner, ça tombe bien que l'on écoute ça, une croisière de 7 jours pour 2 personnes pour les Caraïbes grâce à la PST Costa. Comment gagner tout ceci? Je vous en parle dans quelques instants sur l'antenne d'RTL. Comme tout le monde, vous savez qu'avec le programme Comme J'aime, on perd du poids. Mais le plus important, c'est qu'avec Comme J'aime, vous reprenez de bonnes habitudes alimentaires. On apprend à manger de tout, dans les bonnes proportions. On retrouve un cadre, comme par exemple, ne plus sauter le petit déjeuner. Alors si vous aussi, vous voulez vous débarrasser de vos kilos en trop, définitivement, appelez Comme J'aime tout de suite. Cette semaine, vous bénéficiez d'une réduction de 350€. Appelez le 0800 507 507. 0800 507 507. Ou rendez-vous sur commej'aime.fr. commej'aime.fr. Conditions de l'offre par téléphone, service et appel gratuit. À tous ceux qui sont toujours à 100%. Moi, dans mon métier, entre la compta, les clients, les fournisseurs, je dois toujours penser à tout. Alors, le jour où on me trouve quelqu'un pour m'aider, intelligent, qui s'adapte à ce que je veux, intraitable sur la sécurité et économique, appelez-moi. Vous allez adorer le nouveau Sprinter signé Mercedes-Benz. 100% intelligent et connecté, 100% sécurité, 100% personnalisable et 100% efficace. En un mot, 100% vous. Venez le découvrir chez votre distributeur. Mercedes-Benz, des utilitaires conçus pour durer. Avec Laurent Deutsch, découvrez l'histoire d'un produit fabriqué par une entreprise locale et sélectionné par les magasins U du Sud-Ouest Midi-Pyrénées. C'est à Gimont, dans le Gers, que la société Gérial élabore son célèbre jambon d'Auch, une recette exclusive née dans l'arrière-boutique d'une charcuterie à côté de la cathédrale d'Auch. S'il est réputé partout dans l'Hexagone, c'est que ce jambon a une particularité. Il se découpe en belles tranches régulières avec une excellente tenue dans l'assiette. Pas étonnant que de grandes tables parisiennes ne jurent que par lui. Commerçant autrement. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Comment gagner la croisière? Très rapidement, l'Association professionnelle de solidarité du tourisme, la PST, offre une croisière de 7 jours pour 2 personnes pour les Caraïbes. Cabine double, extérieure, catégorie total confort, avion, transfert, croisière en pension complète avec les boissons et pizza. 7 jours dans les Caraïbes à bord, Costa Magica, Costa Pacifica, Felono Merveillosa, un nouveau bateau qui vient d'être, qui sort juste du chantier. Oui. 30 de 10, vous faites le choix numéro 2, ou bien vous envoyez par SMS RTL au 74 900. Ah non, vous n'y passerez pas par New York, ça je préfère vous le dire. On va vous y emmener grâce à téléphone, mais le bateau lui ira dans les îles. C'est comme ça. RTL, sous le soleil, votre radio préférée est là pour vous aider comme chaque matin entre 9h30 et 11h. Un jour j'irai à New York avec toi, toutes les nuits déconner. Et voir aucun film en entier, ça va de soi. Avoir la vie partagée, tailladée, bercée par le ronron de l'air conditionné. Dormir dans un hôtel délaté, traîner du côté gay et voir leur corps se serrer. Voir leur cœur se vider et saigner, et saigner. Un jour, j'irai là-bas. Un jour, un autre rat. Voici le cœur de la vie dans toi. Tu m'emmèneras. Emmène-moi. Un jour j'aurai New York au bout des doigts. On y jouera, tu verras. Dans le club il fait noir, mais il ne fait pas froid. Ne fais pas froid si t'y crois, j'y crois. Les flaques de peinture sur les murs en parfois. La couleur des sons que tu bois. Et puis cette tranquille que la vie en moi. Et tu m'emmèneras, emmène-moi. C'était Téléphone et c'était sur RTL. Nous allons, avant de passer au cas numéro 2, passer par une petite règle d'or. Maître Novakovic insiste et quand elle insiste, en général, on fait. C'est comme ça. La règle d'or sur RTL. Et vous voulez parler de l'amitié, Maître Novakovic. J'ai un ami qui va me poser des fenêtres. J'ai un cousin qui va me faire mon jardin. Et vous nous dites, attention, on peut prendre des amis, mais gardons une relation professionnelle. Exactement, Julien. On peut effectivement travailler avec un ou une amie. Mais dans ces conditions, vraiment, placez-vous dans une relation professionnelle. C'est-à-dire qu'on signe un devis. Ensuite, on attend un délai, on fait respecter le délai. Et si le délai n'est pas respecté, on adresse une lettre commandée. Et on agit comme si, effectivement, il s'agissait d'un professionnel et on oublie les liens d'amitié. Sinon, après, on en manque de preuves. Un autre exemple important, quelqu'un vous prête de l'argent, un ami vous prête de l'argent. Eh bien, tout de suite, faire systématiquement... Aller chez le notaire, une reconnaissance de dette notariée, ça vous permet d'avoir un titre. Mais si la personne refuse, si votre ami refuse, eh ben vous ne prêtez pas. Bon, eh bien écoutez, c'est clair, c'est net, c'est précis. Comme l'histoire de Pascal d'ailleurs, qui est en ligne avec nous. Pascal, bonjour. Oui, bonjour Julien. Alors Pascal, déjà, est-ce qu'il s'est passé des choses depuis hier de votre côté ? Oui. Ah ! Alors, on va répéter une nouvelle fois que vous avez un fournisseur de fenêtres, une miroiterie. Vous vous entendez merveilleusement bien avec le patron. Il a déjà travaillé chez vous. Il a bien travaillé. Vous êtes contente. Vous vous tutoyez. On se fait la bise. Vous connaissez la famille, etc. Et là, sur ce dernier chantier... Non, mais c'est important de signaler tout ça. Et sur ce dernier chantier, vous ne savez pas pourquoi. Vous donnez un acompte et plus aucune nouvelle. Une rupture comme ça du jour au lendemain. Nous avons appelé hier... il ne nous a pas rappelé, en tout cas nous, je me tourne vers nos amis. Alors, ah si, JB, pardon, il nous a rappelé hier. Alors on va commencer par JB, c'est parti. Alors il m'a rappelé, je lui ai laissé un message juste après l'émission. Il n'a pas tardé, hein. Il n'a pas perdu de temps puisqu'il m'a expliqué, il m'a rappelé, il m'a expliqué qu'il venait juste de faire partir un chèque à la poste de 1 250 € pour rembourser l'acompte, donc c'est une super nouvelle. Alors pourquoi il l'a fait? Tout simplement parce qu'il a aussi reçu un petit coup de fil de Technal. La directrice de la communication et du marketing de Technal, voilà, il était pas content du tout hier. Mais alors, il fait partie du réseau Technal ou pas? Alors, il est client au réseau avec le réseau Technal, mais il n'est plus du tout partie intégrante. Il est plus du tout agréé du réseau, et ce depuis un an. Et à sa demande, il était parti, donc il a plus du tout le droit d'utiliser le logo de la marque. Ah oui, il le fait quand même. Plus du tout le droit. Alors, il était pas du tout content. Je pense qu'il se fait taper sur les doigts là en ce moment. Ah bah oui. Et du coup, bah, forcément, il faut qu'il règle le problème. Alors, d'après lui, les fenêtres étaient déjà fabriquées. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il a donné une explication? Parce que elle est patiente, parce qu'elle les a commandées le 29 septembre 2017. Rappelons quand même qu'on est un petit peu le mercredi 27 juin. Donc, je pense qu'entre le 29 septembre et le mercredi 27 juin, il peut lui donner quelques coups de fil en lui disant on a un problème de fabrication, on a quelque chose. Est-ce que vous n'avez rien eu, Pascal? Au niveau des explications, non, rien du tout. Donc qu'est-ce qu'il vous a dit, vous? Alors, je vous confirme, il n'a pas voulu s'expliquer. Il a été très très bref, très laconique. Et il a raccroché rapidement. Il m'a juste dit, je fais partir le chèque. Bon. Voilà, elle va recevoir ses 1 250 €. Je ne veux plus en entendre parler, point barre. Voilà, Pascal, c'est la meilleure solution, ceci étant dit, Pascal. Vous êtes OK pour ça? Ah bah de toute façon, bon. Oui, je n'ai pas vraiment le choix. Vous l'avez eu en ligne? Au téléphone. Alors, qu'est-ce qu'il vous a dit? Je l'ai eu hier soir vers 20h15. Oui. Je lui ai dit bonjour, bonjour David, il m'a juste dit ton chèque est parti en lettre recommandée à 14h cet après-midi. Bon, eh ben écoutez, et il a raccroché. Et il n'y a pas besoin de discuter plus. Je ne pense pas que vous serez amis, que vous partirez en vacances cet été ensemble. Non. Le temps non, peut-être ça, pansera les plaies, mais là vous allez avoir votre chèque et puis vous allez choisir un autre fournisseur. D'accord ? Je voulais juste vous préciser une petite chose, Julien, c'est que moi aussi la directrice marketing de Technal qui m'a appelé vers 18h15 hier, qui a été absolument charmante. Qui m'a dit qu'un autre artisan agréé Technal prendrait contact avec moi, viendrait prendre les mesures, viendrait faire le chantier, et que Technal prendrait en charge une partie du chantier. Eh bien, elle est très forte. Elle m'a devancé, je voulais vous envoyer quelqu'un de chez moi là pour les fenêtres. Eh bien, je vais le renvoyer. Mais voilà, elle fait bien son boulot, et bah je oui. dis bravo, j'accepte absolument. La défaite. Non, non, mais c'est formidable, parce que voilà, cette dame, elle a envie que ça avance, et c'est bien. JB, c'est bon, mot de la fin? C'est bon, c'est ce que je voulais dire, donc bravo c'est parfait. À Technal. Eh bien, Pascal, je vous fais un énorme bisou, un bel été, profitez bien de vos belles fenêtres Technal, d'accord? Moi aussi. Allez, merci. Merci beaucoup. Alors évidemment, pour celui qui tombe sur l'émission maintenant, nous ne parlons pas que de fenêtres pendant 365 jours par an. Il y a les voitures, il y a les salaires, il y a tout ce que vous voulez, les vacances qui se passent mal. Et là, on va revenir sur le cas numéro 1 pour voir si Bernard a pu avoir la direction sur RTL. feu vert en juin, on prépare les vacances avec Michelin. Jusqu'à 80€ offerts pour l'achat de vos pneus été ou 4 saisons Michelin. C'est ça, la patte de l'expert. Modalité sur feuvert.fr. À tous ceux qui veulent être bien dans leur peau, bien dans leur tête, bien dans leur basket, ou tout simplement bien dans leur vie. À tous ceux qui se demandent comment ils sont couverts en cas d'accident ou d'hospitalisation, Adria Mutuel souhaite la bienvenue. Parce qu'une mutuelle qui vous connaît bien, c'est une mutuelle qui vous protège mieux. Et pour chaque jour être bien, Adria vous offre vos renforts accidents et hospitalisations pour toute complémentaire santé souscrite jusqu'au 31 juillet. Voir modalité en agence ou sur adria.fr. Adria est une mutuelle du groupe Aesio. L'affaire est dans le sac. Expression française qui signifie que tout ce dont vous rêvez se trouve sur la redoute. C'est les soldes. Jusqu'à moins 60% sur la mode et la maison. À vous cette petite robe ou ce canapé qui vous fait rêver. En ce moment, moins 10% supplémentaires sur tout le site. Et en plus, la livraison est gratuite toute l'année avec la redoute et moi. Voir conditions sur laredoute.fr. Intermarché vous propose d'écouter un fan de foot après une victoire. Je vais me prendre une petite glace, moi. Intermarché vous propose d'écouter un fan de foot après une défaite. Je vais me prendre une petite glace, moi. Jusqu'au 1er juillet chez Intermarché, le paquet de 8 cônes vanille extrême est à seulement 3,39€ avec en plus 50% d'avantage carte. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Soit 568 grammes à 5,97€ le kilo. Modalité et magasin participant sur intermarché.com. Pour votre santé, bougez plus. Foot veut dire nourriture. 1, 2, 3... Partez ! C'est la course au solde des bonnes affaires sur riducommerce.com. Profitez de réductions exceptionnelles sur les univers maison, high-tech, jardin et bénéficiez de remises allant jusqu'à moins 70% sur des milliers de produits. Alors n'attendez plus et rendez-vous sur riducommerce.com. Solde du 27 juin 8h au 7 août, dans la limite des stocks. Hé hey papy, c'est quoi ça? Un appareil photo. Mais les photos, ça se prend avec un téléphone. Maintenant, oui. Regarde, on met le viseur devant un œil, on ferme l'autre et... Oh, c'est bizarre. Il y a une tache. Ne comptez pas sur le hasard pour dépister votre dégénérescence maculaire liée à l'âge. Faites le test dès à présent et régulièrement. Si en cachant l'un de vos yeux, vous voyez une tache sombre immobile au centre de votre vision ou des lignes déformées, ce sont peut-être les symptômes d'une DMLA. Consultez dans les meilleurs délais un ophtalmologiste. Ceci est un message du laboratoire Novartis. Et si on parlait de Renault Pro Plus avec Émilie, fleuriste? Quand vous dites tout inclus pour mon Kangoo, ça inclut vraiment tout? Oui, EasyLock Pro Plus est une location longue durée qui inclut un véhicule de remplacement, l'entretien et même les pneus. Et si mon Kangoo est immobilisé? Vous avez une assurance qui rembourse votre journée de travail perdue. Vous dites aussi tout équipé? Tout à fait. Nous avons près de 1200 Renault Kangoo Express Extra Air Link disponibles tout de suite. Tout inclus, tout équipé, tout de suite? Ça c'est pro. Dans la limite des stocks disponibles, voire conditions en concession ou sur Renault.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Nous revenons donc sur le cas numéro 1. Notre auditeur a un centre de karting vintage. Il a un client qui vient et qui dit « je veux faire un gros événement sur 2 jours ». Donc 2 jours, toute la journée je suppose, avec restauration, etc. C'est budgété à 50 000. Les 50 000 sont faits par carte bancaire avant la prestation, parce qu'il veut être sûr d'être payé. Oui. Non, et important, Julien, parce que c'est là que toute la législation... Non, ah, pardon. La législation est très importante, c'est qu'il a demandé à la banque, avant d'accepter l'opération, qu'elle accepte le paiement, qu'elle le vérifie. Elle a donné son accord, et c'est maintenant irrévocable. C'est très important. Oui. Donc la banque donne son accord à l'avance, le paiement est fait. La prestation a lieu. Et quelques temps après, 20 jours après, c'est ça, Maître Fellonneau ? Presque un mois après. Un mois après, la banque reprend l'argent sous prétexte que celui qui a payé dit « on m'a piqué ou j'ai perdu ma carte bancaire », alors que c'est bien lui qui a utilisé cette carte bancaire. Voilà où nous en sommes. Et on trouve ça très bizarre. Et il y a faute de la banque, d'après notre ami de l'Association française des usagers de banque. Vous avez rappelé il y a une seconde, Bernard, vous avez eu la direction. Je vais me permettre de résumer très rapidement. Voilà ce que semble dire, mais comme il ne nous parle pas sur l'antenne, je dis bien « semble », mais ils peuvent intervenir à n'importe quel moment si je dis une bêtise, la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, Mickaël, si vous m'entendez, semble dire qu'en fait, vous étiez en difficulté depuis longtemps. Vous étiez sous surveillance. Et que vous vous seriez accoquiné avec ce monsieur pour lui dire « Donne-moi des sous, ça me sauve la mise. » Et après, tu diras que tu as perdu ta carte bancaire. Est-ce que je me trompe, Bernard ? Vous êtes un peu trop direct, Julien. Ah. Ils ont supputé qu'il pouvait avoir collusion entre ces deux personnes-là. Alors, mais pour autant... S'il y a collusion, qu'est-ce que ça veut dire d'autre, à votre avis ? C'est une procédure, aujourd'hui, de fraude qui arrive... Non, mais ça, c'est autre chose, Bernard. D'accord, ça, c'est autre chose. Et maintenant, ils disent, dans un deuxième point, nous avons mené une enquête. Donc, comme on mène une enquête, etc., eh bien, tout est bloqué. Mais en attendant, lui, samedi, il va fermer. Alors, je tiens à vous préciser, Julien, que s'il y avait collusion... eh bien, il n'aurait pas déposé plainte auprès du procureur de la République. Ouais. Parce que, bien évidemment, son interlocuteur risque énormément, parce que c'est gravissime. Donc, c'est pour ça que cette thèse de la collusion ne me semble pas recevable. Grosso modo, ce que nous vous disons ce matin sur RTL, nous allons voir Serge Maître dans une seconde. Je vais lui demander s'il m'entend de bien vouloir patienter un tout petit peu, et je vais le prendre parce que c'est très important. Il y a deux solutions. Soit notre auditeur Michael est un escroc, et il va le payer très cher. Soit il ne l'est pas, et là Serge Maître va nous dire ce que risque la banque, parce qu'il va falloir qu'il attaque bien sûr la caisse d'épargne pour des choses très graves qui n'auraient pas eu lieu. Mais il faut savoir s'il y a une procédure ou pas, Julien, il faudra poser cette question. Eh bien alors, Michael, je vous pose tout de suite la question, et attention, Michael, nous sommes en direct, ne nous mentez pas, dites-nous la vérité. Est-ce que vous avez, vous, entendu parler d'une procédure judiciaire contre vous ? Ah non, pas du tout. Est-ce que vous avez un avocat ? Non, Michael, je vous en supplie, mon grand, je comprends. Répondez vraiment à vos questions, parce que partez pas sur autre chose. Est-ce que vous avez un avocat ? Oui, on a pris un avocat. Oui. Est-ce que cet avocat, vous pouvez l'appeler pour lui demander s'il a reçu des papiers de la caisse d'épargne lui disant « nous lançons une assignation, une procédure ». Est-ce que vous pouvez vérifier ça ? Hier, il n'avait rien reçu. Bon, alors hier, il n'avait rien. Donc, pour l'instant, il n'y a aucune procédure de lancer tant que l'avocat n'a rien reçu. On est d'accord, Maître Nankovic ? Absolument. Bon, alors j'aimerais bien que la Caisse d'épargne nous en dise un petit peu plus, mais Serge Maître va intervenir dans quelques instants. Dossier très important ce matin, tout de suite sur RTL. Noroto. Tous les automobilistes sont différents. Et chez Noroto, ce qui fait la différence, c'est qu'on vous la rembourse, la différence. Si vous trouvez vos pneus moins chers ailleurs. Et le montage en une heure maxi, ça fait la différence aussi. Chez Noroto, tous les pneus sont en permanence garantis au prix les plus bas. Et montés en une heure maxi. Sinon, on vous rembourse le montage en bon d'achat. C'est un peu ce que je disais. Noroto. Valable pour deux pneus achetés et montés chez Noroto. Conditions sur noroto.fr. Qui habite ? Le bonheur vous va si bien. Et le bonheur, c'est de profiter des soldes comme nulle part ailleurs. Profitez des soldes chez Kiabi. Jusqu'à moins 70% sur des milliers d'articles pour toute la famille. Toute la mode jusqu'à moins 70%. Il est grand temps de se faire plaisir. Les soldes par Kiabi du 27 juin au 7 août. Kiabi, le bonheur vous va si bien. Sur article signalé, date selon décret, conditions, magasin et kiabi.com. Avec le service après-vente Peugeot, entretenez l'émotion. Enchaînez les virages et les kilomètres. Maîtrisez vos trajectoires. Adhérer totalement à la route, ressentir cette sensation de sérénité absolue. Et surtout, apprécier la tenue de route reconnue de votre Peugeot, associée à des pneus en parfait état. Chez Peugeot, du 25 au 29 juin, bénéficiez de 50% de remise sur le deuxième pneu acheté. Prenez rendez-vous sur Peugeot.fr. Voir conditions en ligne. L'instant d'Arty. Je cherche un frigo en solde. Vous êtes presque. Froid, de plus en plus froid. Ça y est, glacé. C'est les soldes chez Darty. Le réfrigérateur congélateur Electrolux est à 399€ au lieu de 549, soit 150€ d'économie. Date des soldes selon décret dans la limite des stocks disponibles. Référence EJ 2805 AOX2 classe A+. Leclerc. Chérie, c'est le grand rendez-vous des promos chez Leclerc. Du coup, j'ai pris des Volvic Juicy pour essayer. Deux bouteilles d'un litre 5 achetées, deux bouteilles offertes. De la Volvic quoi ? De la Volvic Juicy. De la Volvic aromatisée. Fraises, fruits du verger, fruits exotiques, agrumes, citronnades, pêche. Du 26 au 30 juin, c'est le grand rendez-vous des promos chez Leclerc. Pour deux bouteilles d'un litre 5 de Volvic Juicy achetées, parfum au choix. Deux bouteilles offertes. Voir modalités et magasins participants sur www.1.leclerc. On y goûte ! Ah bah hey ! Pour votre santé, évitez de grignoter. Mercedes-Benz. Alors pour la croisière, nous allons prendre la formule grand confort tout inclus. Très bien. Dans ce cas, vous aurez droit à l'accès illimité à la piscine, au sauna, à MAM, soit à volonté. Et ça inclut les 3 ans de garantie et les 2 entretiens offerts. Pardon ? Tout le monde ne peut pas en faire autant que Mercedes. Du 15 au 30 juin, pendant les journées étoilées, profitez de 3 ans de garantie et 2 entretiens offerts sur toutes les occasions 1000 étoiles. 1000 étoiles, les occasions du réseau Mercedes-Benz. Offre soumise à condition. Détails sur mercedes-benz.fr. Merci d'avoir choisi la radio numéro 1. Vous l'avez vu, ce matin, nous revenons sur des très gros dossiers. Un a été réglé, l'autre est en attente. On attaque un nouveau dossier dans une seconde. What's the sense in sharing this one and only life? Chez Toussalon, c'est le moment de personnaliser votre salon selon vos envies. Rendez-vous vite dans vos magasins Toussalon sur toussalon.fr et profitez de soldes exceptionnels. Toussalon, reposez-vous sur un grand nom. Marie-Nadine, branchez la radio dans la Bentley, Alexandre va parler. RTL 10h. Alexandre de Saint-Aignan, c'est les infos. Bonjour Alexandre. Bonjour Julien, bonjour à tous. Une vaste opération policière dans le nord de Paris actuellement. Évacuation en cours dans un campement de trafic de drogue surnommé la colline du crack. Deux accès au boulevard périphérique sont fermés au niveau de la porte de la chapelle et ce pour 24 heures. La circulation est très perturbée dans le secteur. Les associations craignent que les toxicomanes évacués trouvent refuge dans les gares et les stations de métro. À la SNCF, la grève s'essouffle mais ne se rend pas. Début du dernier épisode unitaire. Aujourd'hui, on prévoit 4 TGV sur 5, 3 TER et Intercités sur 5, 2 Transiliens sur 3. Dernier jour de grève demain. La CFDT a fait savoir hier qu'elle n'ira pas au-delà, mais Sudrail et la CGT appellent à poursuivre le mouvement les 6 et 7 juillet pour perturber le début des vacances scolaires. Invité d'RTL ce matin, le leader de la CGT, Philippe Martinez, a justifié cette nouvelle grève car selon lui, 85% des problèmes ne sont pas réglés. Le service national universel, promesse de campagne d'Emmanuel Macron, les grandes lignes seront présentées ce matin au cours du Conseil des ministres, un mois minimum, autour de l'âge de 16 ans, 15 jours de formation théorique, les premiers secours par exemple, et 15 jours d'engagement associatif. Statu quo à Malte pour le navire Lifeline qui transporte des migrants. On évoquait hier une solution européenne avec un débarquement à Malte, mais le gouvernement maltais refuse finalement, selon les informations de RTL. Il souhaite des garanties sur la prise en charge des 233 migrants à bord. La France a promis d'en accueillir une partie. L'Italie et le Portugal pourraient également les prendre en charge. Et signe révélateur d'une crise des migrants, en Europe, le nombre de personnes refusées à la frontière française a fortement augmenté depuis 3 ans, selon la CIMAD qui s'est procuré des chiffres officiels. 85 000 réfugiés ont été repoussés l'an dernier. La CIMAD dénonce un détournement de la lutte antiterroriste pour contrôler la migration au sein d'une Europe qui s'enferme, je cite. La Bourse de Paris, ouverture à l'équilibre ce matin avant de replonger, moins 0,46% actuellement. Le CAC 40 autour des 5 256 points. Les choses sérieuses vont finalement pouvoir commencer en football. La France affrontera l'Argentine samedi en 8e de finale de la Coupe du Monde. Au programme aujourd'hui, Allemagne, Corée du Sud à 16h et en même temps que Mexique, Suède. Et puis ce soir, Serbie, Brésil, Suisse, Costa Rica, coup d'envoi à 20h dans le club RTL Mondial 2018. Il fait déjà beau et ça va continuer cet après-midi. Soleil et ciel bleu sur la plupart des régions avec toujours quelques nuages sur les reliefs. Pyrénées et Alpes du Sud, et du vent de nord-est près des côtes de la Manche et du Mistral le long du Rhône. Les températures pour cet après-midi, il fera 26 degrés à Abbeville et à Tarbes, 29 degrés à Alençon et à Dijon, 30 à Paris, 32 à Marseille, le maximum 33 degrés pour Cognac. Les courses à Maison Lafitte, voici les pronostics de Bernard Glace pour le Quintet. Cet après-midi, il vous conseille de miser sur le 15, le 14, le 2, le 17, le 4, le 5, le 8, le 9 et la dernière minute, c'est le numéro 8, Atari. Il est 10h03 sur RTL et vous retrouvez Julien Courbet. Merci beaucoup Alexandre et c'est avec plaisir qu'on vous retrouvera tout à l'heure à 11h pour d'autres infos. Alors nous avons tout de suite en ligne Serge Maître. Nous revenons et je ne voudrais pas lui faire perdre son temps car il passe sa journée à aider tous ceux qui ont des problèmes. Les usagers bancaires, lui qui est le président de sa plus grande association, la FUB, l'Association française des usagers de banque. Donc vous avez bien entendu, bonjour Serge. Bonjour. Vous connaissez ce cas, hier vous nous avez dit à partir du moment où la transaction a lieu, on n'y revient plus. Or là, la Caisse d'épargne est revenue, d'ailleurs assez bizarrement parce que par petites touches, ils n'ont pas tout repris d'un coup au bout de 20 jours. Et maintenant, ils semblent dire, oui mais il y a un doute sur ce client. Il n'y a, d'après ce que nous dit Michael, hein, il nous l'a écrit, aucun courrier, aucune lettre commandée, son avocat n'est au courant de rien. Alors est-ce qu'on peut comme ça dire non, on ne rembourse pas parce qu'on a un doute? Mais il faut le prouver le doute, non Serge? Bah, il va falloir que la banque prouve justement toutes les manigances dont elle accuse son client. Mmh. Effectivement, concrètement, ce sont des propos qui veulent pas plus que parole creuse, hein, disons-le. Hein, on connaît bien le vieux dicton, quand on veut se séparer de son chien, on dit qu'il a la rage, hein, oui. Quelque part. Donc, véritablement, si les propos de l'auditeur sont sincères, et jusqu'à présent, il n'y a aucune raison d'en douter, et s'il est totalement étranger à tout ce que la banque maintenant jette dans la balance, alors qu'elle ne le faisait pas précédemment, faut le dire, eh bien, ce serait grave et totalement inadmissible de la part de cet établissement. Dans ce cas, je peux vous le dire, la FUB et son service juridique ne manquera pas de suivre ce dossier jusqu'à quoi? Ben, jusqu'à sa résolution, parce que Michael a des droits. Michael, vous avez entendu? Oui, je vous remercie. Donc l'AFUB, qui est la plus grosse association, bien plus efficace que nous en matière bancaire, va s'occuper de vous, va suivre ça. On vous remet entre les mains de Serge Maître et nous allons nous faire des points réguliers avec Serge sur l'antenne d'RTL. Je demande vraiment aux journalistes qui s'occupent de ce cas que tous les 15 jours, on en sache un petit peu plus et nous verrons bien à l'arrivée ce qui sortira de tout ça. Michael, je l'ai mis devant ses responsabilités. S'il nous a menti, eh bien, il sait qu'il en paiera le prix fort. Il a quand même été déposé plainte, hein, Michael, donc il serait fou. Oui. D'aller déposer plainte et de mentir. Et sinon, eh ben, c'est pas très fair play, je trouve, de montrer du doigt un client. Si on a un doute, on a le droit d'en avoir un. Rien n'empêche la Caisse d'Épargne d'avoir un doute. Mais on le prouve. Si on arrive à le prouver, tant mieux. Si on n'arrive pas à le prouver, eh bien, on garde son doute et malheureusement, on applique la loi. Maître Fellonneau ? Oui, visiblement, même au sein du dépôt de sa plainte, il dit qu'effectivement, sa banque lui aurait confirmé qu'il s'agissait d'une escroquerie et qu'elle allait faire quelque chose, engager une procédure de son côté, mais pas contre lui, sinon il en aurait déjà eu vent, contre la personne qu'il a escroqué, c'est-à-dire cette société turque. Serge, vous pensez qu'on aura du nouveau dans combien de temps ? Ah, il l'a coupé, malheureusement, j'ai entendu. Bon. Non, je suis là. Ah, mais il est là, Serge. On aura du temps dans combien de... On aura du nouveau dans combien de temps, Serge ? Oh, je pense qu'il faut se donner une bonne quinzaine, parce que, bon, si véritablement la banque a déposé la plainte qu'elle évoque, bon, c'est le retour du procureur de la République n'est pas immédiat, il y a une enquête préliminaire. Donc, il faut se donner quelques semaines. Je pense que, de toute façon, au niveau du droit... en l'absence de toute autre précision de la part de la banque et qui serait étayée, eh bien là maintenant il va falloir saisir, taper à la porte du tribunal, c'est bien évident. Sûr. Donc là c'est une affaire, hélas, un peu longue, même si on peut céder du référé. Merci beaucoup Serge Maître, bonne journée, rendez-vous dans 15 jours sur l'antenne d'RTL. Maître Novakovic, un dernier mot. Oui, tout à fait, je pense qu'une procédure de référé, ce serait idéal dans le cas de notre auditeur. Il n'a pas de raison d'attendre et la banque ne pourra pas opposer la procédure pénale car le pénal ne tient pas le civil en l'état. Donc il doit lancer cette procédure en référé avec son avocat au plus vite. Ça marche, on suit ça de très très près. Christian, dans quelques instants, nous dira ceci sur l'antenne d'RTL, c'est un nouveau cas. J'appelle de Seine-Maritime. J'ai versé 6600 euros d'acompte pour une cuisine. Sur le contrat, il était bien écrit que si je n'avais pas mon permis de construire, la vente était annulée. Je n'ai pas eu mon permis de construire et on ne me restitue toujours pas mon acompte. Eh bien, nous nous retrouvons dans quelques instants sur l'antenne d'RTL pour en parler. Bonne journée à vous tous, il est 10h07. Partagez toutes les émotions du foot avec Géant Casino. Entrez dans le match en écoutant les indices pour trouver votre Géant Casino et le mot de passe correspondant. Le premier à le donner à l'hôtesse RTL qui se trouve sur le parking du Géant remportera 500 euros en carte cadeau. Venez aussi défier Madame Indestructible au tir au but. Le meilleur buteur remportera une Skoda Fabia, oui ! Conditions sur géantcasino.fr. Les prix bas, c'est Géant. Passez un bel été avec la première radio de France. Pendant les vacances, vous allez sûrement attendre votre tour au péage, la vague, le vendeur de glace, un transat disponible, le petit vent frais du soir. Au moins avec Jeep, vous n'attendrez pas avant les vacances. Profitez d'une très large gamme de SUV Jeep disponible immédiatement avec Ready to Drive et bénéficiez d'une remise jusqu'à 6000 euros sur Jeep Compass. Jusqu'à 6000 euros de remise non cumulable avec d'autres offres en cours, valable jusqu'au 31 juillet sur une liste de Jeep Compass identifiée en stock selon modèle et motorisation. Réservée aux particuliers sous conditions de reprise. Ready to Drive, prêt à partir. Détails sur Jeep.fr. Leclerc. Chérie, jeudi seulement, la pizza Sodebo est à 1,14€ chez Leclerc. Quoi, 1,14€? Oui, la pizza, la grande pizza, 1,14€. Le 28 juin chez Leclerc, la pizza de Sodebo de 470 grammes, variété au choix transformée en France, avec 50% de réduction immédiate, est à 1,14€, soit 2,43€ le kilo. Voir modalité dans les magasins et drive participants et sur www.e.leclerc. Alors, pizza jambon et mental ou 4 fromages? Bah, à ce prix-là, les deux. Pour votre santé, évitez de grignoter. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Et si nous vous rappelions qu'il y a une croisière de 7 jours à gagner pour deux personnes, pour les Caraïbes. Grâce à la PST et grâce à Costa, vous partez 7 jours, avion, transfert, croisière, pension complète. Pour gagner 3210, touche numéro 2. Pour gagner, SMS envoyé à RTL, envoyé RTL par SMS au 74 900, tirage au sort un petit peu plus tard. Maintenant nous allons écouter Kimber Rose avec I'm Sorry avant d'attaquer le nouveau cas sur RTL. Bonne journée sous le soleil. Le trio Kimber Rose sort son premier album Chapter One. I'm back to my old ways. I don't know what happened to this. Maybe it is just me. Maybe it wasn't meant to be. I never meant a lot of you. I really thought I could. be fine, keep calm with this. I never meant to treat you bad. God knows I'm just a child. I never wanna treat you bad, cause you treat me fine. But feelings set by, I'll see you around. But now sur RTL. Voici Christian. Bonjour Christian. Bonjour Julien. Alors bonjour mon Christian. Bonjour. Allez-y, racontez aux auditeurs d'RTL ce qui vous arrive avec cette cuisine, parce que ça servira de leçon à ceux qui font construire, qui n'ont pas forcément le permis, mais qui commandent quand même la cuisine. On vous écoute. Voilà. Bah, j'ai passé commande d'une cuisine avec justement cette condition d'obtention du permis de construire. Celui-ci m'a été refusé à cause d'une nouvelle réglementation. Bon, j'avais pourtant été prudent de faire mentionner cette condition par le vendeur sur la proposition commerciale. Malgré mes appels téléphoniques, mon courrier, je n'ai eu aucune réponse pour le remboursement de la compte versée. Alors quand vous les appelez, que vous disent-ils ? Eh bien, ils me disent que les responsables ne sont pas là et qu'ils vont me rappeler. Ouais. Et puis, dernièrement, ils m'ont dit qu'ils allaient m'envoyer un courrier. Je n'ai toujours rien reçu. Ça sent pas bon l'histoire. Est-ce que le contrat est pour vous béton, Maître Novakovic ? Oui, en fait, il a signé effectivement un devis dans lequel expressément est indiqué que ce contrat était assujetti à l'obtention du permis de construire. Donc, il a adressé une lettre recommandée immédiatement lorsqu'il a eu le refus du permis de construire et malheureusement, il n'a pas de réponse. Eh bien, c'est toute la difficulté. Nous appelons immédiatement sur l'antenne d'RTL. C'est parti pour essayer d'avoir une explication. Je pense que ça peut se résoudre vite, sauf si la société est en grande difficulté. Eh oui. Et du coup, elle va garder la compte parce qu'elle ne pourra pas le rendre. J'espère que quelqu'un va nous répondre maintenant. Nous sommes dans l'Est. Surtout que c'est une cuisine chère, hein, 22 000 euros à compte 6 600 euros. Allô, bonjour. Oui, Déco Cuisine, bonjour. Bonjour madame, je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur l'antenne d'RTL. Madame, oui. Je vous explique en deux mots le but de mon appel, comme ça vous pourrez peut-être me trouver un interlocuteur. Je suis avec un de vos clients, Christian Morel, qui a acheté une cuisine sous réserve d'avoir le permis de construire. Il ne l'a pas eu, et sur le contrat, il était stipulé que s'il n'avait pas son permis, la compte serait remboursée, et il se bat comme un diable pour obtenir maintenant son remboursement. Et à chaque fois, apparemment, il y a une excuse, et on ne le rembourse pas. Alors, est-ce que peut-être Monsieur Lerch est là ? Alors, attendez. Vous êtes, j'ai pas bien saisi. Alors, c'est la radio. Nous sommes à la radio, nous sommes sur RTL en direct au moment où je vous parle. J'ai en ligne avec moi Christian Morel, votre client qui vous dit bonjour. Ok. Christian, dites oui, bonjour. Bonjour. Vous avez peur. Voilà. Et il veut qu'on lui rende son acompte puisqu'il a signé un contrat avec Déco Cuisine stipulant que s'il n'avait pas son permis de construire, l'acompte serait rendu. On a le contrat sous les yeux. Et oui. Le permis de construire, il ne l'a pas eu. Et donc, du coup, il n'arrête pas d'appeler en disant bah, « Maintenant, il faut me rendre mon acompte comme c'est stipulé sur le contrat. » Et on ne lui rend pas. C'est ce qu'il nous dit. C'est pour ça que je voulais avoir quelqu'un, peut-être Monsieur Lerch, comme c'est le gérant. Alors attendez, juste un petit instant s'il vous plaît, merci. Je vous en prie. Voilà. Et vous êtes qui ? Bonne nuit les petits. Je vais vous raconter maintenant une histoire pour vous endormir. Un jour, Paprenel voulait acheter une belle cuisine. Alors elle est allée dans un magasin, mais elle a dit attention, je n'ai pas le permis de construire. On lui a dit ne t'inquiète pas. On te rendra ton acompte. Et maintenant, tu vas t'endormir en rêvant qu'on te rend l'acompte. Quand tu te réveilleras, tu l'auras pas, mais tu auras rêvé que tu l'avais. Voilà. Vous êtes d'accord, Christian ? Bonne nuit, mon petit. On se retrouve dans une seconde, Christian, le temps que Nounours fasse un tour de nuages et nous reviendrons sur cette affaire. Vous avez des bonnes références. Ah, c'est mignon comme tout. Vous regardiez ça, Nounours? Bien sûr. Oh, bah ouais, je ne ratais pas un seul épisode tous les soirs. J'ai jamais compris comment il faisait pour monter sur son nuage. Il y avait une échelle, mais pas. L'arnaque en temps réel. Pardon? L'arnaque en temps. Bah oui. Quatre coins de la France, c'est dans le 9h30, 11h sur RTL. C'est parti. Selon le site web régional 76actu.fr, une habitante du Havre en Seine-Maritime a volé un ordonnancier et une carte vitale dans le cabinet d'une amie médecin pour en faire usage auprès des pharmacies. Dépendante aux somnifères, aux anxiolytiques, aux antidépresseurs, cette femme de 44 ans n'hésitait pas à falsifier les documents pour se faire passer pour d'autres patients. Le problème, c'est qu'un beau jour, un employé d'une pharmacie a fini par avoir des soupçons. Les enquêteurs de la sûreté urbaine ont été alertés, ont étudié les écritures des deux ordonnances. Ils en ont conclu que les signatures provenaient de la même personne. Mise en garde à vue ces derniers jours, la prévenue sera jugée en novembre prochain. Maître Novakovic, elle n'a pas cherché à s'enrichir. Elle était dépendante. C'est pour ça qu'il lui fallait, entre guillemets, ses médicaments. Est-ce que ce sont des circonstances atténuantes qui font qu'on risque moins que celui qui va faire commerce, c'est-à-dire faire de fausses ordonnances pour revendre des médicaments? Complètement, Julien. De toute façon, les circonstances atténuantes sont toujours retenues. Donc, j'espère qu'elle saura bien se défendre parce que, malgré tout, c'est moins grave que si elle avait voulu escroquer quelqu'un. Elle est néanmoins poursuivie pour faux usage de faux, bien sûr, pour tentative d'escroquerie et escroquerie. La Sécu va vouloir récupérer, voilà, son argent. Exactement. Donc, c'est pour ça que, malheureusement, elle risque quand même d'être condamnée assez lourdement parce qu'on ne peut pas laisser passer ce genre de choses. Malgré tout, c'est quand même extrêmement grave de falsifier une ordonnance. Bon, alors ça marche, merci en tout cas. On va donc attendre. Est-ce qu'on est revenu du côté de chez Nounours, Bernard Sabat? Écoutez, je viens de m'endormir. Excusez-moi parce que j'ai toujours la bonne musique. Ouais, on attend que monsieur Frédéric Lerch de Déco Cuisine, c'est à Mulhouse, 40 rue Victor Schoelcher. Tu vas passer une bonne nuit. Attention, samedi, mesdames et messieurs, samedi 17h ou 16h le match? 16h. 16h. France-Argentine, on reviendra sur les pronostics d'Alain Hazard dans une seconde. Oh, ben moi, je serai les soldes. Pas obligé, hein, je suis sûr, on va y revenir tout de suite. Donc, on va couper Nounours si vous le voulez bien. Et on va vous rappeler qu'Alain Hazard, rédacteur en chef de l'émission, a été un grand journaliste sportif pendant des années. Et hier, il devait donc pronostiquer, comme il le fait depuis le début de la Coupe du Monde, le score de ce match entre la France et le Danemark. Voyons ce qu'il nous a d'hier. La France 2-1, deux buts de Giroud. Quel beau pronostic. Buts dans le match, il n'y en a eu aucun. Giroud n'a pas marqué. Mais j'avais dit 0-0 pour le match d'ouverture, Julien, 0-0. J'avais pris un peu d'avance. Est-ce qu'il y a des descendants voyants dans votre famille? Non, c'est dommage, mais vous devriez y aller. Devant ce spectacle indigent, je ne pouvais pas prévoir un score de 0-0. C'était impossible. Du retour et du nouveau sur le cas de Christian et sa cuisine. Allô? Bonjour, monsieur. Bon, vous êtes monsieur Lerch? Non, c'est pas Monsieur Lerch. Alors il est en maîtrise, donc je viens de prendre l'appel. D'accord. Je peux vous répondre au niveau du dossier. On va pas vous laisser sans réponse. Ah ben c'est très gentil. Je vous écoute, monsieur. Alors, ce client apparemment a acheté à la Foire de Paris, au Salon de Paris, au mois d'octobre 2016. Oui. Avec effectivement une clause de permis de construire. Voilà. Voilà. Donc nous, pour nous, une clause de permis de construire, généralement, allez, c'est 3 mois. S'il y a le permis de construire retoqué, c'est peut-être 3 mois de plus, c'est 6 mois. On reçoit un courrier de sa part un an et demi après, on reçoit un premier courrier nous disant qu'il n'a pas le permis de construire. Un an et demi plus tard, donc, ben, nous avons payé nos commerciaux, nous avons payé tout notre service marketing sur ce salon. Donc on lui explique qu'on ne comprend pas. Donc on est. Est-ce qu'il est marqué juste, monsieur, sur votre contrat que cette clause n'est valable que dans un délai précis? Ou est-ce qu'il n'y a rien marqué? Non, alors, il n'y a rien marqué. Alors, je me tourne vers... D'accord, allez-y. Sauf qu'on demande, on écrit à cette personne, on lui a téléphoné à plusieurs reprises pour avoir une explication, qu'elle nous dise pourquoi elle reçoit un refus de permis de construire un an et demi après avoir... Alors, je vous passe Maître Fellono, qui va vous en dire un petit peu plus. Oui, monsieur, moi j'ai vu quand même qu'il y avait une précaution sur la date. Il est bien marqué 22 000 euros ferme fin 2018 à confirmer. Et dessous, possibilité de modifier les couleurs, etc. Délivrer un plan technique au constructeur assujetti. Oui. Obtention du permis de construire, mais au-dessus il y a marqué fin 2018, monsieur, donc c'est pas 3 mois. Non mais Trois mois, monsieur. Il avait son, madame, il avait fait sa demande, madame, le temps d'acheter le terrain. Si vous voulez faire un monologue, vous me le dites. Si vous me posez une question, je vous réponds. Non, je vous lis. Vous avez raison, monsieur, de la remettre à sa place. Je vous lis juste ce que vous avez écrit. Vous m'expliquez une chose et vous me faites un cours ou vous me posez une question. Allez-y, répondez, monsieur. Alors, est-ce que monsieur, je peux vous proposer quelque chose? Écoutez-moi, il me reste 40 minutes d'émission. J'ai une pause à marquer maintenant qui dure une minute et après vous aurez tout le temps que vous voulez, on se taira, on n'écoutera que vous. Vous m'accordez cette petite minute? On va écouter la pub, faut allez, que ça marche. Ça marche, à tout de suite sur RTL. Alerte Coyote. 90 km/h, 80 km/h, le changement de vitesse, c'est maintenant. Roulez toujours à la bonne vitesse avec Coyote. En ce moment, 80 € offerts sur nos boîtiers. Oui, 80 €. N'hésitez plus. Coyote, roulez en sécurité et gardez vos points. Valable en France métropolitaine, conditions sur moncoyote.com. Et encore une bonne raison d'aller chez Carrefour. Avec ma fille, on est fan de shopping. Alors quand on a vu les soldes chez Carrefour avec jusqu'à 70% de remise immédiate sur plein d'articles textiles, on n'a pas traîné. Petit haut, jupe, pantalon, veste et t-shirt. On a fait une vraie razzia pour toute la famille. Résultat des courses, pour nous, ça va être défilé de mode tout l'été. Aujourd'hui, c'est le premier jour des soldes dans vos hypermarchés Carrefour. Avec jusqu'à 70% de remise immédiate sur un large choix de produits textiles. Carrefour. Valable sur les articles signalés en magasin jusqu'à épuisement des stocks. Magasin participant sur carrefour.fr. Et si on parlait de Renault Pro Plus, avec Arnaud, plâtrier. Quand vous dites tout inclus pour mon master, ça inclut vraiment tout? Oui, EasyLock Pro Plus est une location longue durée qui inclut un véhicule de remplacement, l'entretien, même le changement des plaquettes et des pneus. Et vous dites aussi tout équipé? Tout à fait. Nous avons plus de 800 masters grand confort disponibles tout de suite. Tout inclus, tout équipé et tout de suite. Ça, c'est pro. Dans la limite des stocks disponibles, voire conditions en concession ou sur Renault.fr. France 3 consacre une soirée à une femme d'exception, Simone Veil. Au travers d'archives familiales inédites, découvrez le récit d'une survivante, l'histoire d'une grande dame qui mena tous les combats. Documentaire inédit, Simone Veil, album de famille, ce soir à 20h55. France 3, vous êtes au bon endroit. Hé papy, c'est quoi ça? Un appareil photo. Mais les photos, ça se prend avec un téléphone. Maintenant, oui. Regarde, on met le viseur devant un œil, on ferme l'autre et... Oh, c'est bizarre. Il y a une tâche. Ne comptez pas sur le hasard pour dépister votre dégénérescence maculaire liée à l'âge. Faites le test dès à présent et régulièrement. Si en cachant l'un de vos yeux, vous voyez une tache sombre immobile au centre de votre vision ou des lignes déformées, ce sont peut-être les symptômes d'une DMLA. Consultez dans les meilleurs délais un ophtalmologiste. Ceci est un message du laboratoire Novartis. Leclerc. Chérie, jeudi seulement, la pizza Sodebo est à 1,14€ chez Leclerc. Quoi, 1,14€? Oui, la pizza, la grande pizza, 1,14€. Le 28 juin chez Leclerc, la pizza de Sodebo de 470 grammes, variété au choix transformée en France, avec 50% de réduction immédiate, est à 1,14€, soit 2,43€ le kilo. Voir modalité dans les magasins et drive participants et sur www.e.leclerc. Alors, pizza jambon et mental ou 4 fromages? Bah, ce prix-là, les deux. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. À tous ceux convaincus à 100% que... Les appareils connectés, ça marche jamais vraiment. Mercedes-Benz va vous surprendre avec son nouveau Sprinter équipé de Mercedes Pro Connect. 100% connecté, 100% vous. Venez le découvrir chez votre distributeur. Mercedes-Benz, des utilitaires conçus pour durer. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Allez, c'est parti. Nous repartons donc sur le cas de Christian. Oui. Je rappelle que Christian, à la Foire de Paris, voit une cuisine le 27 octobre 2016. Il se dit que le produit exposé ira parfaitement dans la maison qu'il projette de construire. Il réserve le modèle. Il paie 6 600 € d'acompte sur un prix global de 22 000 €. Mais avant de s'engager, il prend bien soin de faire ajouter la mention « assujetti » à l'obtention du permis de construire. Et il fait bien, car le 8 février, la mairie refuse définitivement. Il attend le remboursement. Nous appelons donc Déco Cuisine à Mulhouse et nous avons un des responsables qui prend la parole maintenant et nous explique sa version des faits. Nous vous écoutons, monsieur. Non, mais la version que vous nous expliquez, elle n'est pas fausse. Elle est simplement de dire qu'une personne qui vient à un moment commander un produit au mois d'octobre 2016, avec ce qui peut arriver, on a souvent des gens qui disent bon, on est sous condition d'obtention du prêt, sous condition d'obtention du permis de construire, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus, donc le client réserve. Il faut quand même avouer une chose, c'est que un an et demi plus tard, avoir fait des démarches pendant un an et demi pour un permis de construire, c'est quand même assez paradoxal. Donc ce dossier chez nous est rentré comme définitivement acquis. Simplement pour répondre à l'avocate qui m'a posé la question, le prix il est ferme. C'est le prix qui est ferme jusqu'à fin 2018, notre prix, et que au-delà de cette date-là, on demande un supplément de 2 ou 3%. Donc le prix est valable sur jusqu'à fin 2018. Au moment où ces personnes nous font le courrier, on a essayé de les joindre à plusieurs reprises, enfin notre service comptabilité qui s'occupe de ça, pour avoir une explication. À ce jour, on n'a pas réussi à le joindre. D'accord. Alors, on me dit que ce monsieur, je finis si vous permettez, ce monsieur a essayé de nous joindre à une reprise. On l'a appelé à 3-4 reprises, simplement pour comprendre quel est le problème. Parce qu'on a un permis de construire qui revient un an et demi après, alors qu'on n'a aucune nouvelle entre la date de la commande et un an et demi plus tard. On est en droit de savoir ce qui se passe. D'accord. Parce que nous, on a commissionné des gens, et si on doit décommissionner un dossier, il faut aussi qu'on comprenne le fond du problème. Bien, alors, je vais donner la parole à Maître Noakovic, avocat pénaliste. Oui, bonjour monsieur. Alors effectivement, nous disposons d'un dossier qui fait apparaître que la mairie a refusé effectivement ce permis en février 2018. Il vous a écrit en mars 2018. Donc je ne vois pas en quoi il a tardé. Donc il a immédiatement réagi dès son refus. Et vous savez très bien que l'instruction d'un dossier par une mairie, ça peut être très long. Et ce fut le cas. Donc là, vous avez un moyen juridique imparable à ce niveau-là. Et vous ne pouvez pas vous y opposer. Par ailleurs, dans votre contrat... Il vous dit quelque chose. Là. Oui, monsieur. Madame, je ne dis pas qu'il nous a pas envoyé un courrier rapidement après son refus définitif. Oui. Je dis simplement que c'est pas très courant d'avoir quelqu'un qui achète au mois d'octobre. Ben voyez avec le maire. Et qui a un refus pratiquement monsieur, un an et demi plus tard. Mais monsieur, donc, il y est pour rien. Monsieur, il y est pour quoi lui? Non, monsieur. Je ne dis pas qu'il y est pour quelque chose. Eh bien, alors, s'il y est pour rien, monsieur, quelle conclusion tirez-vous? Non, mais monsieur, je vous ai laissé parler, s'il vous plaît, monsieur. Je vous ai laissé parler pendant 2 minutes 50, monsieur. Et permettez-nous de dire un petit mot de temps en temps, si vous voulez bien. Parce que le monologue, c'est vous qui le faites, là, actuellement. Monsieur, si on avait pu l'avoir au téléphone, on serait... Mais je vais vous le passer dans une seconde. Vous allez lui parler à l'antenne dans une seconde. Allez-y, Christian. Oui, alors, ce monsieur me dit que... Il m'a appelé plusieurs fois. Écoutez, parlez les gens, monsieur, arrêtez de vous plaindre qu'on vous coupe la parole. On ne vous la coupe pas quand les autres parlent, vous leur coupez en permanence la parole. Écoutez-le, c'est votre client. On va essayer de vous joindre, monsieur. Allez, attendez, il a quelque chose à vous dire avant de lui poser des questions. Écoutez-le, il a quelque chose à vous dire. Et après, vous lui poserez des questions. Alors, vous aviez mes numéros de téléphone, le portable, le fixe, mon mail. Hein. Je n'ai jamais eu aucun message sur le portable, sur le fixe, sur le mail, dont vous racontez des mensonges. Alors, monsieur va peut-être nous sortir des mails, et il va nous les envoyer s'il les a, hein, parce que c'est pas un menteur. Oui, il va nous envoyer les textos s'il les a. On a tenté de vous joindre à plusieurs... Comment, monsieur, puisqu'il n'a rien? Est-ce que vous avez envoyé un mail, monsieur? Jamais contacté. Non, monsieur. Non. Téléphone, monsieur. Non. Mais vous allez envoyer le relevé, monsieur, des appels. Envoyez avec parce qu'il a rien plaisir, eu. Monsieur. Eh ben, faites-le. Je peux vous dire qu'on a essayé de le joindre sur son portable. Eh ben, écoutez, monsieur, on fera fixe. Taire le client si vous m'envoyez le relevé des appels téléphoniques et que vous voyez qu'il vous l'avait vraiment appelé, je vous ferai taire. Christian, je lui dirais que c'est un menteur parce que lui, il me dit qu'il n'a rien. Donc, c'est sa parole contre la vôtre et dans le commerce, en général, on fait un mail, on fait un écrit. D'autre part, la date qui était marquée fin. Donc vous voulez 2018, me dire, monsieur, vous voulez me dire, fin monsieur, 2018, laissez-moi parler. Vous voulez me dire, laissez-moi monsieur, parler. Que si je vous prouve qu'on a bien appelé ce client, vous direz à l'antenne ce monsieur est un menteur. Ah, je dirais que vous ne l'avez pas appelé, effectivement. Qu'il a reçu, je dirais qu'effectivement, Christian, vous avez reçu des appels. Non, je n'ai rien reçu. Et puis, je vois pas pourquoi je mentirais sur ce genre de choses. Alors, parfait. Alors là, tout le monde parle en même temps. Vous récupérez Bernard Lappel. Dans une seconde, vous dites à ce monsieur de... Parce que ça ne change pas le problème. Pour ce monsieur de déco-cuisine, aux yeux de la loi, ça ne change rien du tout. C'est quand même pas sa faute si le maire a mis autant de temps. Donc, on revient vers lui. Et déco-cuisine a encaissé, pour l'instant, 6 600 €. Et moi, s'il m'écoute, j'aurais juste une autre question à lui poser. Il m'a dit, oui, mais on a eu des frais de commerciaux et marketing. Mais si le permis avait été refusé très rapidement, il n'y avait plus de frais n'importe de quoi. Commerciaux, etc. C'est parce que c'est long que tout d'un coup, il y a des frais. A tout de suite sur RTL. À 11h sur RTL. Rendez-vous dans nos studios de Neuilly pour À la bonne heure. Avec Stéphane Bern. Pour Neuilly, sa mère, la suite du premier film de Gabriel Julien Laferrière, sorti il y a près de 10 ans. On y retrouve mon invité Valérie Lemercier. À la bonne heure. Tout à l'heure, à 11h. Être ou ne pas être chez Orange et profiter de bons plans. Moi, chez Orange, j'ai trouvé le Samsung Galaxy S7 à seulement 249,90€. C'est bien. Mais moi, chez Orange, mon Galaxy S7, il est débloqué. Et comment t'as fait? Tu l'as emmené chez le kiné? Chez Orange, le Samsung Galaxy S7 est à seulement 249,90€ au lieu de 429,90€, sans forfait et sans engagement. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Soit une baisse à 319,90€, moins 70€ remboursés par Samsung sur demande. Offre soumise à condition, valable jusqu'au 11 juillet. Détails en boutique et sur orange.fr. Leclerc. Chérie, je suis passé faire les soldes chez Leclerc. Me dis rien, t'as acheté une télé. Une télé Ultra HD 4K Thomson de 127 cm à moins de 400€. Fais voir. Attention, c'est très beau. À partir du 27 juin chez Leclerc, la télé Ultra HD 4K Thomson est à 399,20€, dont 12€ d'éco-participation au lieu de 499€. Dans la limite des stocks disponibles, voir modalité dans les magasins participants et sur www.culture.leclerc. Franchement, une télé Thomson comme ça, à ce prix-là. En plus, il y a le foot. Eh ouais. Chérie, j'ai une grande nouvelle, on change de box. Ah bon? Mais pourquoi? Bah parce qu'en ce moment, Free propose la Freebox Révolution à 19,99€ par mois. On est obligé de sauter dessus. Et en plus, on aura la fibre, t'imagines? Ah oh, oui, j'ai surtout envie de te sauter dessus. Hein? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Non mais doucement, chérie. Merci Free. Freebox Révolution avec TV by Canal Panorama, en ce moment à 19,99€ par mois pendant un an au lieu de 44,99€. Appelez gratuitement le 1044 ou rendez-vous sur free.fr. Offre soumise à condition, engagement 12 mois sous réserve d'éligibilité à la fibre. Allô. Un petit pas pour l'homme, un grand pneu pour l'automobile. Goodyear a été le premier pneumatique à rouler sur la Lune. Aujourd'hui sur Terre, Goodyear fête 120 ans d'innovation, toujours animé par ce même esprit de conquête. Pour marquer l'événement sur allopneu.com, Goodyear offre jusqu'à 120€ en bon d'achat et met en jeu un grand voyage pour 4 sur les routes des États-Unis. Valable jusqu'au 24 juillet 2018 pour l'achat de pneus Goodyear. Conditions et règlements sur allopneu.com. Allopneu.com. Vente et montage de pneus. Écoutez le 9h30-11h sur RTL. Allez, nous allons conclure donc pour aujourd'hui en tout cas avec Déco-Cuisine. Vous n'êtes pas monsieur Lerch, on est bien d'accord monsieur? Il a un refus, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Monsieur, on est sur l'antenne de nouveau d'RTL. Julien Courbet qui vous parle. Je vais vous poser une question, est-ce que vous êtes monsieur Lerch ou pas? Vous n'êtes pas monsieur Lerch? Non, je ne suis pas monsieur Lerch. Alors, est-ce qu'il est possible d'avoir, il n'y a pas de souci, d'avoir un rendez-vous téléphonique demain avec lui par exemple pour avancer là-dessus comme il est le gérant également? Mais oui, vous pouvez avoir un rendez-vous, bon. Mais je pense qu'il va de toute façon valider le fait qu'on rembourse. On n'a jamais dit qu'on ne veut pas rembourser. Ah, alors vous voulez faire quoi exactement? Mais ce dossier pour nous, il sera remboursé. Simplement, on a tenté de joindre ce monsieur, d'accord. On n'a pas pu le joindre. Ce dossier, par un surpoids de boulot peut-être chez nous, est resté sur un endroit à un moment, mais on ne dit pas qu'on ne veut pas le rembourser. Mais alors vous allez le rembourser quand, monsieur? Écoutez, on va le rembourser ce dossier. Parfait. Oui, mais quand je vous demande quand c'est, là, vous pouvez. On le rembourse pas. Peut-être d'ici la fin de la semaine. Oui, bien sûr. Bon, mais ce que je veux dire, d'accord. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment, si ce dossier est en discussion aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment, quand on a appelé ce monsieur, on n'a pas pu le joindre. D'accord. C'est dommage de ne pas lui avoir envoyé un petit mail, quand même, monsieur. C'est mieux dans le commerce, vraiment. Je vous assure, un mail, on est sûr qu'on a une trace, un petit texto, quelque chose d'écrit, quoi. Ou un message. Vous laissez un message, vous voyez, sur le répondeur. Peut-être. En attendant, on ne dit pas qu'on ne veut pas rembourser ce client. Mais je ne comprends pas pourquoi vous ne le faites pas, surtout, monsieur. Ce que je n'arrive pas à comprendre, monsieur, de la part de Déco Cuisine, c'est on veut rembourser ce client, on en a envie, on le veut, mais on ne le fait pas. Ils sont couillés. C'est pas une question d'envie, c'est une question qu'on se pose, la question de savoir comment ça se fait qu'un an... Eh bien, appelez le maire. Ne lui demandez pas, lui, c'est le maire qui donne le permis, monsieur. Vous envoyez un justificatif, en plus, officiel. Appelez le maire. Demandez-lui, monsieur le maire, pourquoi, nous, Déco-Cuisine, on a envie de savoir pourquoi mais vous mettez à un moment, autant de temps. Si on a la personne au téléphone et quand la personne dit qu'on l'a bien sûr appelé, c'est faux. Et je vous donne... Vous m'envoyez... Avec plaisir. Avec plaisir. Nous prouvons qu'on l'a appelé. D'accord. Voilà. Bon, en attendant, monsieur, on va pas épiloguer. Vous avez votre version et vous voyez, je l'ai écouté. Maintenant, il faut faire le remboursement parce que c'est obligatoire et c'est la loi. Maître Novakovic. Si je peux me permettre une demande de permis en juillet, en période de vacances, et avec un retour en février, il n'y a rien de décent non plus. Un dernier point, monsieur, en ce qui concerne encore les papiers que nous avons sous les yeux. Maître Fellono vous parle. Il est clairement à un deuxième endroit indiqué le mode de règlement. C'est un acompte de 6 600€ le jour de la signature et le solde la première quinzaine du mois de décembre 2018, monsieur. Ça, c'est signé le 27 octobre 2016. Vous étiez donc parfaitement informé du délai qui allait être exister dans ce dossier. Soit il fallait refuser la compte, soit c'est maintenant que la condition suspensive, malheureusement, est en votre défaveur, vous devez le rembourser immédiatement. Christian, cher, vendredi... Cher maître, oui. Calmez-vous, détendez-vous, on n'est pas... Non, il est détendu, là, si, c'est au contraire, je la trouve même trop détendu, moi. Je vous parle d'une écriture, vous me parlez de coup de fil. Bon, allez, voilà, c'est tout. On s'appelle vendredi, Christian, vous me dites si Déco Cuisine à Mulhouse vous a remboursé ou pas. D'ici vendredi, vous pourrez le faire, monsieur. On est mercredi. Écoutez, j'en sais rien parce que le gérant est en état. Bon, eh ben, écoutez, alors demain, on appelle. Déjà, on lance un appel sur l'antenne d'RTL à Frédéric Lerche. Monsieur Lerche, c'est vous qui êtes le gérant, donc c'est vous qui allez faire le chèque. Votre collaborateur très sympa qui nous a parlé ce matin n'a pas la possibilité de faire le chèque. Donc, monsieur Lerche, on vous rappelle demain et on se rappelle aussi vendredi sur l'antenne pour voir si le virement a eu lieu. Si il n'est pas eu lieu, bon, on se rappellera lundi. On va pas faire un déco cuisine-ton pendant. S'il le faut, on le fera. Mais voilà, on est tous d'accord pour dire qu'il faut rembourser. Je pense qu'il faut le faire assez rapidement maintenant. Merci monsieur, on appelle monsieur Lerche dans l'après-midi. Je vous souhaite une belle journée. Merci de nous avoir parlé monsieur. On peut ne pas être d'accord, ça ne veut pas dire que l'un a plus raison que l'autre. Alain Hazard, rédacteur en chef. Comme il y a beaucoup de déco-cuisine, c'est celui de Mulhouse. Hein. Oui, parce qu'effectivement il y a beaucoup de gens qui pourraient croire, on m'a appelé déco-cuisine, etc. C'est celui de Mulhouse qui est rue Victor Scheller. Et c'est monsieur Lerche que l'on essaie d'avoir. Merci Bernard, vous récupérez l'appel. Christian, vendredi normalement, nous en savons plus en ce qui concerne votre dossier. Et pourquoi je parle comme ça? Parce que c'est maintenant Eddie Mitchell et l'esprit Grande Prairie en duo avec Pascal Obispo sur l'antenne d'RTL. Ensuite démarrera la farandole des cas que nous traînons depuis quelques semaines, mais nous ne laissons pas tomber. Vous savez, on fait qu'appeler. Vous en saurez plus. Tranquille et la tête ailleurs. C'était un petit rêveur. Dans la vie, on rend les enfants. Obéissait gentiment, mais lui faisait ses petites bricoles au lieu d'aller à l'école. On sentait par ses éléments qu'il était différent. Il était loin, loin, loin. Qui vint dans mon cœur et moi, l'amour qui nous envole. Baby doll, je suis à toi, comme le chantaient mes idoles. Mais elle voulait petit bébé et la jolie maison neuve. Et lui, son regard déjà était de l'autre côté du fleuve. Il était loin, loin, loin, loin. En parlant aux agents, en lisant les circulaires, il rêvait souvent le vent, soulevant la poussière. N'était là qu'à moitié. L'histoire dit que j'avais pris l'esprit Grande Prairie. Il était loin, loin, loin, loin. Il était loin, loin, loin, loin. Déjà tout petit, il négociait et tous les budgets. C'est Bernard Sabat qui aurait du nouveau sur le cas donc que nous venons de traiter. Il va dans un salon, notre Christian, il achète une cuisine, mais il fait marquer en gros « Attention, si je n'ai pas le permis de construire, je n'achète pas la cuisine, vous me remboursez la compte. » Et la cuisine, le déco-cuisine lui répond « Ok, on signe, pas de souci. » Puis là, ils ne veulent pas lui rendre l'argent parce qu'ils disent que le permis a été annulé beaucoup trop tard par la mairie. Ce n'est pas la faute de Christian. Mais on a discuté et c'est bien. Voilà, on n'est pas d'accord, ça ne veut pas dire que l'un a plus raison que l'autre, mais ce qu'il faut, c'est trouver une solution. Déco Cuisine a pris la position suivante, Julien, et a parlé avec Christian. Ils envoient un mail cet après-midi, envoyé par le gérant que vous avez interpellé. Ça, c'est le premier point. Et le virement sera fait lundi matin. Écoutez, je crois que c'est mieux. Vous voyez, ça évite des très situations bien compliquées à partir du moment où on sait qu'il faut rembourser. Nous, on n'est pas là pour les forcer, mais c'est normal, ils l'ont accepté. D'ailleurs, vous nous donnerez une règle d'or dans une seconde, Maître Novakovic, car vous êtes un peu la grande spécialiste des règles d'or sur justement les signatures quand vous achetez, comme c'est une cuisine, sur une foire, pourquoi pas. Mettez les petites mentions qui vont vous sauver la mise. À tout de suite. Avec Peugeot, roulez surclassé avec style. Depuis que votre sœur s'est offert la superbe Peugeot 308, vous vous portez volontaire pour conduire vos neveux à leur cours de piano et ainsi expérimenter les sensations uniques du Peugeot iCockpit et de sa navigation 3D connectée. En ce moment, la Peugeot 308 style suréquipée est à partir de 189€ par mois avec caméra de recul et entretien offert. Location longue durée, 37 mois, 30 000 km, premier loyer 2 300€, prime conversion déduite si éligible jusqu'au 30 juin sous réserve d'acceptation crédit par. Décathlon, c'est aussi la joie. Du VTT, profiter à fond de la nature, la campagne, la forêt, la montagne, le grand air quoi. Une randonnée en couple ou avec des potes. Oui, c'est... oui, on a compris. Cet été, retrouvez le VTT mixte Rock Rider 340 tout confort avec suspension et cadre alu léger. Disponible en 4 couleurs à seulement 199€ chez Décathlon. Intermarché vous propose d'écouter un fan de foot après une victoire. Ben, je vais me prendre une petite glace, moi. Intermarché vous propose d'écouter un fan de foot après une défaite. Ben, je vais me prendre une petite glace, moi. Jusqu'au 1er juillet chez Intermarché, le paquet de 8 cônes vanille extrême est à seulement 3,39€ avec en plus 50% d'avantage carte. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Soit 568 grammes à 5,97€ le kilo. Modalité et magasin participant sur intermarché.com. Pour votre santé, évitez de grignoter. Food veut dire nourriture. On en parle. Darty propose des solutions de livraison pour répondre à tous les besoins de ses clients. Quand son réfrigérateur a rendu l'âme, Émilie s'en est fait livrer un nouveau dès le lendemain par Darty. Une expérience positive qu'elle nous raconte dans un instant. On en parle. Comme tout le monde, vous savez qu'avec le programme Comme J'aime, on perd du poids. Mais le plus important, c'est qu'avec Comme J'aime, vous reprenez de bonnes habitudes alimentaires. On apprend à manger de tout, dans les bonnes proportions. On retrouve un cadre, comme par exemple, ne plus sauter le petit déjeuner. Alors si vous aussi, vous voulez vous débarrasser de vos kilos en trop, définitivement, appelez Comme J'aime tout de suite. Cette semaine, vous bénéficiez d'une réduction de 350€. Appelez le 0800 507 507. 0800 507 507. Ou rendez-vous sur commej'aime.fr. commej'aime.fr. Condition de l'offre par téléphone, service et appel gratuit. À tous ceux qui veulent être bien dans leur peau, bien dans leur tête, bien dans leur basket ou tout simplement bien dans leur vie. À tous ceux qui se demandent comment ils sont couverts en cas d'accident ou d'hospitalisation, Adria Mutuelle souhaite la bienvenue. Parce qu'une mutuelle qui vous connaît bien, c'est une mutuelle qui vous protège mieux. Et pour chaque jour être bien, Adria vous offre vos renforts accidents et hospitalisations pour toute complémentaire santé souscrite jusqu'au 31 juillet. Voir modalités en agence ou sur adria.fr. Adria est une mutuelle du groupe Aesio. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Voici le programme des prochaines minutes. Tout d'abord, nous démarrons par une règle d'or de Bernard Sabat concernant le dossier cuisine. Pas une règle d'or, une nouveauté, une avancée. Bah, Julien, nous l'avons dit juste avant, ça y est, elle je l'avais oublié. Il arrive à un âge où il faut répéter c'est les choses. La règle d'or, c'est maître. Voilà, c'est ça, c'est maître Novakovic qui voulait faire une règle d'or. Autant pour moi, écoutez, il fait chaud. Il annonce 34 degrés. Et je vous assure que moi-même, quand il fait très chaud comme ça, je ne réfléchis pas de la même façon, c'est la vérité. La règle d'or sur RTL. Ne la réveillons pas. Un peu d'humour ne nuit pas. Allez-y, Maître Novakovic. Eh bien, quand vous signez un devis, quel qu'il soit, hein, ça peut être un devis pour une cuisine ou ailleurs, peu importe, il faut que celui-ci soit détaillé le plus possible. N'hésitez pas à préciser votre date, la date limite pendant laquelle vous souhaitez absolument que la cuisine soit livrée. Et sinon, par au niveau de la réunion des alcooliques anonymes, est-ce que vous continuez à y aller régulièrement? Et vous devez impérativement tout préciser. Par exemple, quand vous avez un permis de construire, dites expressément que ça annule le devis si et s'il n'y a pas effectivement le permis de construire. Je me demande, mais j'en ai marre. Je me demande si vous n'avez pas des dents en plus qui poussent, parce qu'il y a des gens, vous savez, on croit qu'on en a que 30, et d'après le dernier recensement, elle aurait 54 dents dans la bouche. En un mot, ce qu'il faut vraiment, c'est tout prévoir au niveau des devis. Vraiment, je le dis aux auditeurs, parce que ça vous protège expressément pour l'avenir. En tout cas, pensez-y quand vous signerez un devis, pensez à Maître Novakovic. Et n'oubliez pas, bien sûr, samedi, cet événement, puisque la France va vraiment rentrer dans la Coupe du Monde, une grande équipe, l'Argentine qui n'est pas certes au top, mais qui a quand même des génies. Donc attention à ne pas chanter. Mais si, le grand Messi sera là. Messi. Messi. Attention, il se faufile entre tout le monde. Qui c'est lui. Il a encore marqué. Il va nous en mettre un. Attention, on verra ça samedi. En tout cas, très très beau match que je regarderai avec Maître Novakovic et Maître Felono dans cette piscine naturiste qu'elle vient de faire construire dans son petit jardin d'Anguin. Nous allons, si vous le voulez bien... On fait du shopping à ce moment-là, on a la paix. Vous ne regardez pas? Exactement. Ben ah bon, oh, ben c'est bien dommage. Revenons sur le cas de Patrick, si vous le voulez bien. Est-ce que Patrick est en ligne avec nous? Bonjour Julien. Et là, je surprends Charlotte, qui s'était assoupie. Et je lui demande, Charlotte, est-ce que vous pourriez nous rappeler ce qui était arrivé à Patrick? Bah oui, alors Patrick, il est viticulteur et il avait un impayé, deux factures de 10 324 euros et 5 302 euros. Et nous avions eu, quand il était passé une première fois l'antenne, monsieur Yvan Contenot de la société Comptoir du Goût, qui avait promis de mettre en place un échéancier, de même que Tony Chéron, un autre professionnel. Où en est-on, s'il vous plaît, mon Patrick, qui est en ligne avec nous? Eh ben donc, aujourd'hui, il n'y a toujours pas un centime. Oh là là là là là, c'est incroyable, ils lui ont commandé du vin et ils ne l'ont pas payé. Hein. Il y a une facture, il y a tout, c'est fou ça. Et en plus, sur l'antenne d'RTL, les gens font des promesses, ça veut dire qu'ils n'ont pas l'argent. Donc autant dire la vérité et s'organiser pour que l'on puisse faire autrement. Oui Bernard. Moi je ne suis pas content parce que Yvan Contenot, je l'avais eu dans la négociation, Julien. Et je vous rappelle quand même une chose importante, c'est qu'il avait été sympa, notre auditeur Patrick. Il avait laissé encore le vin sur place pour lui dire, écoute, c'est pas grave, tu vas m'aider, tu vas continuer à vendre. Alors on appelle le premier. C'est pas normal. On appelle Tony. Alors lui avait fait un paiement par un chèque en bois pour la première livraison. Ça commençait mal. Alors en hiver encore ça va si on a une cheminée, mais là il n'en a aucun besoin. Et il ne va pas répondre. Monsieur Tony Chéron, qui habiterait du côté... 06 40. Alors, qui habite du côté de Saint-Gemme-Moronval. Monsieur Tony Chéron, vous auriez fait une première fois un chèque en bois. Vous vous êtes engagé, je crois, à faire un échéancier. Et il n'en est rien, monsieur Chéron. C'est pas sympa, ça plante Patrick. Donc, on va continuer. Est-ce qu'il a intérêt maintenant à quoi? C'est à déposer une plainte dans ces cas-là? Oui, tout à fait. Vous n'avez pas envie de faire de longues phrases, maintenant. Comme tout à l'heure, elle a un peu bafouillé, elle s'est dit, je vais pas prendre de risque. Sur trois mots, la probabilité de bafouiller est quand même terriblement réduite. Vous savez très bien que les plaintes, maintenant, voilà, faut déposer une plainte, faut la surveiller dans les trois mois, faut relancer le procureur. Voilà, vous savez très bien que bon, ça demande un acharnement, une volonté, et voilà. On continue à dire à monsieur Chéron qu'il doit 10 000 euros, et c'est énorme pour Patrick. Tony Chéron, pour qu'il n'y ait pas de confusion avec d'autres Chérons, il est à Saint-Gemme-Moronval, c'est dans le 28-500. Puis il y en a deuxième, qu'on appelle tout de suite maintenant, qui doit aussi des sous et qui n'a pas donné un centime. C'est-à-dire que l'on s'est joué de nous. On nous a écoutés sur l'antenne RTO, ils ont sorti un petit pipeau et ont joué un petit morceau. Oui, on va payer très rapidement. Par échéancier. Et se sont dit, le grand couillon n'y reviendra pas. Alors, est-ce que ça répond vous connaître. Du côté de Meillac-sur-Bénèze? Meillac-sur-Bénèze, c'est là où vous trouverez le comptoir du goût. Vous êtes sur la messagerie CDLS France. 07. C'est le portable que nous venons de faire de monsieur Yvan Contenot. Yvan Contenot. Contenot que l'amour, et là on ne l'a pas. Et vous c'est l'argent la qu'il voudrait. Yvan Contenot, qu'avez-vous à dire, maître Félonet? Bah alors, entre commerçants, il y a une procédure qui marche pas mal, parce qu'il n'y a que 5% de ces ordonnances rendues par le tribunal de commerce qui font appel à une opposition, c'est-à-dire à un recours. Et c'est ce qu'on appelle l'injonction de payer. Ça se fait par dossier. Ça se fait, c'est une procédure non contradictoire. On retire son dossier sur Internet. On met son devis, sa facture, sa mise en demeure. Enfin bref, toutes les pièces que l'on a à l'appui de sa demande, et le juge décide si oui ou non le dossier lui paraît clair et rend une condamnation ou pas. Donc c'est quand même une procédure facile à mettre en œuvre. Il faut à un moment se défendre soi-même, sinon on n'y arrive pas. Bon, alors on appelle monsieur, on le rappelle, Yvan Contenot du comptoir du goût CDLS France, qui nous a dit je dois 5302 euros, je vais les payer, qui n'a absolument rien fait. Pour qu'il n'y ait pas de confusion, nous sommes à Meillac-sur-Bénèze. Et bien sûr, monsieur Chéron. Patrick, Saint-Gemme-Moronval, c'est pas dans le Nord? Non, c'est à côté de Dreux. Ah mince, c'est dommage. Parce que si ça avait été dans le Nord, on aurait pu lui dire. Oh, il y avait le Chéron. Le vin qu'on buvait pour de bon. Le chèque. On le faisait jamais. Par contre, le vin, c'est sur mon buvet. Bon. Donc, monsieur Chiron, s'il vous plaît. Bernard, est-ce que vous pouvez avancer d'une manière ou d'une autre sur un dossier? J'essaye les deux portables, Julien. J'espère avoir quelqu'un avant 11h, promis. Donc, on y reviendra. C'est noté par notre journaliste Céline, qui nous rappellera de rappeler monsieur Tony Chiron et monsieur Yves Contenot. Nous aurons un nouveau point à faire dans une seconde. Vous voulez rajouter très rapidement, mais alors très rapidement. Oui, simplement, mon conseil à Patrick, c'est prenez un avocat très vite, faites un référé, faites en sorte de faire condamner cette personne. Là, c'est indiscutable, incontestable. Vous avez un très bon dossier. Perdez plus de temps. On essaie encore une fois et puis après il lancera la mécanique. Merci, on se reparle, ne vous inquiétez pas, on vous rappelle. Et vous, c'est quoi votre défi avec les plaques Habito de Placo? J'ai un client toqué de cuisine. Alors pour accrocher 300 kilos de meubles au mur, il fallait la bonne recette. Heureusement, maintenant, il y a Habito, la seule plaque capable de supporter 60 kilos par point de fixation. Défi relevé. Professionnel, découvrez la plaque Habito dans votre point de vente et sur placo.fr. Placo, une marque de Saint-Gobain. L'affaire est dans le sac. Expression française qui signifie que tout ce dont vous rêvez se trouve sur la redoute. C'est les soldes. Jusqu'à moins 60% sur la mode et la maison. À vous, cette petite robe ou ce canapé qui vous fait rêver. En ce moment, moins 10% supplémentaire sur tout le site. Et en plus, la livraison est gratuite toute l'année avec la redoute et moi. Voir conditions sur laredoute.fr. Leclerc. Chérie, c'est le grand rendez-vous des promos chez Leclerc. Du coup, j'ai pris des Volvic Juicy pour essayer. Deux bouteilles d'un litre 5 achetées, deux bouteilles offertes. De la Volvic quoi? De la Volvic Juicy. De la Volvic aromatisée. Fraises, fruits du verger, fruits exotiques, agrumes, citronnade, pêche. Du 26 au 30 juin, c'est le grand rendez-vous des promos chez Leclerc. Pour deux bouteilles d'un litre 5 de Volvic Juicy achetées, parfum au choix, deux bouteilles offertes. Voir modalités et magasins participants sur www.1.leclerc. On y goûte. Ah bah hey. Pour votre santé, bougez plus. Hé hey, papy, c'est quoi ça? Un appareil photo. Mais les photos, ça se prend avec un téléphone. Maintenant, oui. Regarde, on met le viseur devant un œil, on ferme l'autre et... Oh, c'est bizarre. Il y a une tache. Ne comptez pas sur le hasard pour dépister votre dégénérescence maculaire liée à l'âge. Faites le test dès à présent et régulièrement. Si en cachant l'un de vos yeux, vous voyez une tache sombre immobile au centre de votre vision ou des lignes déformées, ce sont peut-être les symptômes d'une DMLA. Consultez dans les meilleurs délais un ophtalmologiste. Ceci est un message du laboratoire Novartis. Patrick, ça suffit, on y va. Allez, encore une offre. Tiens, regarde celle-là. Aujourd'hui, il y a 30% de remise immédiate sur le rayon poissonnerie. 30%, c'est fou. Tu m'as déjà dit ça avec les nectarines. Mais c'est les jours fous de fraîche chez Netto, il y a des promos partout. Netto, le discounter qui fait la différence. En promotion en cours, conditions complètes et liste des magasins participants sur netto.fr. C'est aujourd'hui qu'on voit les experts EOVI MCD Mutuel. Oui. Mais ils viennent ici? Oui. Et ils vont m'aider? Oui. Et ils ont vraiment une complémentaire santé adaptée à notre entreprise? Oui. Et ce sera rapide? Oui. Et ils vont aussi mettre en place des actions de prévention santé? Oui. Et moi, qu'est-ce que je dois faire alors? Vous pouvez prendre un petit café par exemple? Ah oui. Voilà. Avec EOVI MCD Mutuel, des experts vous accompagnent au quotidien pour la santé et le bien-être de votre entreprise. On vous prévient, au début, ça va vous faire bizarre de lâcher enfin prise. EOVI MCD Mutuel, une marque du groupe Aesio. Vous écoutez le 9h31 sur RTL. Alors attention, Bernard, nous avons quelqu'un sur ce dossier du viticulteur à qui l'on doit de l'argent. Yvon Contenot, qui avait donc négocié avec moi pour 5000 euros. Bonjour monsieur Contenot, soyez le bienvenu sur l'antenne d'RTL. Je suis vraiment navré d'avoir à vous rappeler, mais Patrick n'a toujours rien reçu. Oui, mais je viens d'expliquer à votre collaborateur qu'il se fout de ma gueule. Parce que suite à votre appel, j'ai arrêté de travailler avec lui. Je devais lui renvoyer le vin. Je lui ai renvoyé le vin. Le transporteur a fait tomber la palette. Je lui ai fait X. Je crois que je lui ai fait deux SMS ou deux mails. Je ne sais plus. Allô? Oui. Monsieur. Oui, je vous ai entendu. Je croyais qu'on m'avait coupé. J'ai pas eu de nouvelles. Je lui ai laissé deux messages pour savoir si la palette devait arriver chez lui, fracassée, ou chez moi pour faire constat. J'ai pas eu de nouvelles. Elle est retournée chez moi. Elle est cassée, filmée, et j'ai pas de nouvelles. Donc, vous n'avez pas de nouvelles de quoi? Attendez. Vous n'avez pas de nouvelles de Patrick. Patrick vous parle. Allez-y, Patrick. Non, monsieur Contenot. Comme par hasard, avez-vous la preuve d'avoir expédié la palette? Et déjà, vous êtes responsable. Je vous entends pas. Alors, il vous demande, avez-vous la preuve d'avoir expédié la palette? Vous êtes passé par quel transporteur, par exemple? Mais vous balancez ça, je suis sur un marché. Monsieur, je vous demande juste le nom du transporteur qui a envoyé la palette. Donnez la preuve avant de dire qu'il ment. Donnez la preuve que vous avez envoyé la palette et puis ça réglera le problème. Et la déclaration de sinistre. Monsieur, parce que j'ai l'impression que ça pourrait être aussi, je ne dis pas que c'est le cas, une façon de vous sortir de là. Je vous entends très très mal. Oui, bien sûr. Vous m'entendiez bien il y a deux minutes. Bon, alors monsieur, excusez-moi, voulez-vous qu'on se rappelle une nouvelle fois demain sur l'antenne d'RTL? Mais ça peut se régler sans l'antenne d'RTL, hein. Je peux vous envoyer. Eh bien alors, si, monsieur, je suis entièrement d'accord avec vous. Si vous lui envoyez les sous, il n'y aura pas d'RTL. Mais comme vous lui promettez que vous ne lui envoyez pas. Alors écoutez, monsieur Courbet, c'est avant de lui envoyer 5000 euros, il faut déjà qu'il fasse savoir de ce qu'il devait recevoir, parce qu'il est hors de question que je travaille avec lui par la suite. À partir de là, la somme va être beaucoup moins, ça va tourner autour de 1200 euros, si j'ai bien compté. Et à partir de là, je vais le régler. Le seul souci, c'est que la palette, elle est tombée. Je lui ai laissé X fois, donc je vous donnerai le nom du transporteur avec son mail et tout ce qui suit. Il ne m'a pas rappelé. Monsieur, il n'a rien reçu. Et puis c'est sous votre responsabilité, là, le transporteur, il faut qu'il indemnise. Alors donnez-nous le nom du transporteur, on va l'appeler pour indemniser la palette. Qui est le transporteur, monsieur ? Vous devez connaître le nom du transporteur. Allô ? Oui, allô, vous ne m'entendez pas. Qui est le transporteur, monsieur ? Le transporteur, je suis passé par un truc, le truc moinscher.com, transport moinscher.com, palette qui a sur le truc. Eh ben on va les appeler. On va les appeler en leur disant vous avez cassé la palette, il faut la démiser. Non, mais je vais tout vous donner. J'ai tout envoyé à lui. Ah, super. Je ne vais pas vous coordonner. D'accord. Et il vous les passera. Vous lui envoyez tout ça si vous le pouvez aujourd'hui ou demain, comme ça on traite ce dossier dans les jours qui viennent sur l'antenne d'RTL. Voilà. D'accord ? Donc je vous rappellerai monsieur Contenot dans les jours qui viennent après avoir eu Patrick. Patrick, ce monsieur va vous envoyer les preuves et on revient sur RTL avec toutes les preuves qu'il va vous envoyer, la palette, etc. Et le transporteur. Et le transporteur. Si vous n'avez rien, Patrick, d'ici quelques jours, vous me rappelez, puis on rappellera monsieur Contenot une nouvelle fois du comptoir du goût. On fait ça, Patrick ? Oui, mais on n'a rien, comme d'habitude. Non, mais écoutez, si monsieur Contenot a envie que ça dure un an, c'est pas notre problème, c'est le sien. Oui, envoyez-lui des mails, monsieur, envoyez-nous la preuve des mails aussi. J'ai pas de temps à perdre à répondre à ces mensonges, moi. Ah non, alors là, Patrick, attention, je vous le dis tout de suite, si vous appelez et que vous ne voulez pas lui répondre, ça ne pourra pas avancer. Moi, attention. Mais il va me dire qu'il va me payer, ça fait un an que ça dure. Je veux bien. Mais quand j'appelle et qu'il me répond pas, quand je lui fais des. Oui, enfin, monsieur, si on en est là, monsieur, c'est parce qu'au départ, vous avez pris du vin que vous n'avez pas payé. Donc n'inversez pas la situation. Voilà, c'est vous qui me devez, voilà. Monsieur Contenot. Maintenant, envoyez-lui un chèque de ce que. Combien vous lui devez, monsieur Contenot ? Je ne sais pas combien je lui dois. Attendez, monsieur, excusez-moi. C'est sur la palette entière. Non, attendez, monsieur, excusez-moi. Vous lui devez le vin que vous avez vendu, moins votre commission. Le reste, vous l'avez renvoyé. Votre transporteur a fait un dégât. C'est un transporteur d'indemniser. C'est simple. Il faut juste faire les choses comme il faut. Vous allez nous donner le nom du transporteur hors antenne et on va l'appeler, monsieur, et que ça sera plus simple. Maître Nokovic. Oui, simplement, c'est un conseil général. Hein. C'est que dans ce genre d'affaires, moi, je conseille toujours. Ah, très bien, je fais peur. Non, je ne sais pas. S'il est parti, c'est peut-être pas lui. Apparemment, il a raccroché. Parce que je voulais parler du pénal, c'est dommage. Alors, on va le reprendre. De toute façon, on va refaire ce dossier. Patrick, si vous n'avez rien... Oui.